Le jeudi, à 20h, on s'occupe de vos ménages, on agite vos neurones, on ouvre les esprits. Le débat Déo, c'est maintenant sur Radio Gémozo. Bonsoir à tous. Eh oui, bonsoir tout le monde. Faut que j'évite de crier dans mon micro, mais bon, c'est un peu l'adrénaline de la préparation pré-émission. On est avec tout le monde pour. Attends, Julien, c'est toi l'animateur. Non, justement, j'ai dit que maintenant, à partir de 2019, c'est une animation collégiale. Alors, on va tout de suite attaquer en faisant le tour des personnes qui sont avec nous ce soir, parce qu'il est de retour. Il est de retour. Il est là. Il est dans le studio de RGM. Et ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une légende. C'est PJ. Eh oui, bonsoir. Tel le monstre du Loch Ness, Nessie est de retour. Alors, t'es venu accompagner PJ ce soir ? Tout à fait, tout à fait. Je fais un échange international et donc ce soir, j'ai ma fille adoptive avec moi, donc Méléa, qui vient d'Australie et qui va essayer de comprendre ce que l'on va dire en français et peut-être de nous répondre en anglais et on traduira pour les auditeurs. Salut ! Salut, bonsoir. Bonsoir. Yeah. Bonsoir. Alors, nous avons aussi autour de la table notre ami Gaël, qui est maintenant là depuis... Plusieurs émissions, oui. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tu es venu aussi accompagner ce soir ? Tout à fait, le sujet portant à thématique, je me suis dit que j'allais moi aussi inviter quelqu'un et proposer une nouvelle voix sur Radio Gémozo. Il s'agit d'un ami qui s'appelle Cédric. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à tous, bonsoir, et puis content d'être avec vous ce soir pour parler des réseaux sociaux. Entre autres. Alors oui, c'était quoi le sujet, l'intitulé exact de la soirée ? Alors. Bah bonne question. C'est la rédactrice en chef qui nous a briefé, pondu le sujet. Et elle s'est très bien débrouillée, il faut quand même le dire. C'est vrai. Oui, alors il me semblait qu'on partait un petit peu... Alors c'est vrai qu'après chaque débat Déo, il faut quand même le dire aux auditeurs, on ne sait pas toujours trop dans quelle direction on va aller. On a parfois une ou deux petites idées qui pop, ou du moins moi en ce qui me concerne, parce que là où je n'ai pas encore trouvé le bouton off. Et initialement, j'avais proposé quelque chose sur l'utopie, mais c'est vrai qu'à y réfléchir, c'est un petit peu vaste. Toutefois, je lance encore toujours l'appel. Peut-être parler d'un jour des utopies d'hier qui sont les réalités d'aujourd'hui ou de demain. On ne sait jamais, ça peut rester dans un tiroir. Je pense que le sujet de ce soir va peut-être frôler, voire carrément entamer cette thématique. Cette thématique de l'utopie, oui, je t'ai forwardé, notre président en a parlé. Par mail, on en a déjà parlé. Tout à fait, il y a deux jours, lors du débat d'Evry, à la fin, il a fait une envolée lyrique pendant 3 minutes sur l'utopie et sur le besoin des gens d'avoir cette glaise qui donne de l'espoir. Alors peut-être qu'on passera cet extrait. On aura déjà de la matière pour débuter l'émission. Ouais, c'est pour la prochaine. Ah oui. Ouais, c'est non, ça. Mais je pense que avec le sujet de ce soir sur les réseaux sociaux, on risque de parler aussi d'utopie parce que le monde utopique qu'on nous a vendu de l'interconnectivité, de l'hyperconnectivité et de ce gros bouillon de connexion entre tous les hommes de la Terre, les conséquences ne sont pas si utopiques que cela. Elles sont très réalistes, les conséquences. En effet, mais toutefois, ce que les auditeurs l'ont peut-être compris, mais c'est vrai qu'on a parlé d'utopie, mais le sujet a glissé. Et en fait, le sujet principal de ce soir, quand même, il faut le dire, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est un petit peu ce qui fait partie, je pense, de notre vie à tous les jours, à bon et à mauvais escient. Et en fait, on va essayer de brosser globalement tout ce que peuvent représenter les réseaux sociaux. JP, je te laisse à nouveau la parole. Excuse-moi. Oh, bah, je ne sais point par où vais-je commencer. Alors, t'as pas imprimé le plan de la soirée en plus. Non, c'est pas ça, c'est que les réseaux sociaux, déjà, les définir, ce serait trop simple, parce que je pense que c'est tellement immatériel que c'est indéfinissable. Je pense que c'est le nouveau café du commerce du coin, le nouveau lieu de rencontre populaire dans lequel on peut constituer la bande de copains qu'on a connu dans les années 70-80, où c'était plus facile d'aller faire un baby-foot ou un flipper, et on avait toujours du monde pour échanger. Et que dans la génération moderne, ou en tout cas, même maintenant, ça nous a rattrapé, même quarantenaire, c'est un moyen de remplacer, de garder des liens avec des gens qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours dans nos métros boulot de dos. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Oh, oui. Sympathique définition. Oui, en effet. Moi, je suis d'accord avec cette définition que PJ a donnée. Toutefois, après, c'est vrai que... Ça se limite pas qu'à ça. Non, mais j'allais dire aussi, on a des approches et des compréhensions différentes des réseaux sociaux parce qu'on n'a pas tous le même âge dans cette salle. Je pense que c'est important de le préciser. Mmh. Et c'est très bien qu'il y ait cette diversité aussi autour de la table. Là où je mettrais peut-être un petit bémol à ce que tu viens de dire, PJ, c'est que pour moi, c'est là que c'est l'utopie. C'est que ça devrait être... comme ça. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être, je vais en profiter pour retrouver, sans donner d'exemple de site internet, copains d'avant, pour retrouver mes anciens amis de primaire, de collège, de voir ce qu'ils sont devenus, les enfants, etc. Alors, il y a un terme que tu n'as pas dit. C'est surtout que tu les observes discrètement, tu les espionnes. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait sans ça. Comment t'aurais pu savoir ce que ces personnes sont devenues s'il n'y avait pas eu ce média ? Mais c'est ce que je disais, c'est qu'il y avait des sites internet qui s'étaient un petit peu mis dans ce domaine-là. Ah, mais c'est déjà des réseaux sociaux, ça. C'est les prémices des réseaux sociaux. Oui, mais il n'y avait pas ce côté communication libre comme il y a sur les réseaux que nous connaissons avec un grand F ou un oiseau bleu. Copain d'avant. T'as moyen de contacter les gens. Il y avait moyen de contacter les gens et puis de retrouver des amis du passé, mais on se rendait compte. Mais on pouvait simplement envoyer des mails. Il y avait pas copine du collège. Copine du collège, ouais. Moi, je pense qu'il y avait un côté trombinoscope qui était très pressant, qui était très présent. Plutôt parce que moi je me souviens des copains d'avant au début, on nous demandait de partager les photos de collège ou les photos d'école qu'on avait en nous. Et donc il y avait vraiment ce côté de camaraderie qui était avant tout mis en avant. Donc pour garder contact avec des gens qu'on a perdu de vue à cause des études. Voilà, principalement c'était ça. Et après les autres générations, parce qu'il y a 36 types de réseaux sociaux, mais c'est vrai que de plus en plus c'est devenu des pupitres, des tribunes. Mmh. Et c'est ça qui a changé. Dans les premiers réseaux, il n'y avait pas ce côté tribune. Et si je vais encore plus loin, pour moi, avant les réseaux sociaux, il y avait les forums, qui avaient exactement le même côté, sauf que il y avait un côté moins temps réel. Et encore avant, il y avait les chats, les IRC. Mais il y a eu aussi les messageries type MSN et autres pendant un temps. Les ICQ. Qui ont été, en fait, si on regarde ce que sont les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le mélange des deux, le forum et le une nouvelle agora. Mais le résultat n'est pas du tout le même. Compare un pauvre forum et puis Facebook. Mais c'est surtout que pas la même chose. Hein. Le Frankenstein leur a échappé. C'est-à-dire qu'on a créé un outil, mais on savait pas le contenu qu'il y aurait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et je trouve qu'il est tellement plus ouvert et il y a tellement de possibilités qui ont été développées dessus que ça devient un gargantua. Hein. C'est pas pour rien qu'il fait partie de ce qu'on appelle les GAFA. Parce que quand tu vois à la base les prémices de Facebook, c'est ni plus ni moins que copain d'avant. Hein. Ah bah totalement, la version américaine pour les universités par rapport aux maisons. Ouais, ça a été créé les sigma, les gamma, les bêta, on peut se rejoindre, on peut comparer nos fratries et puis dire voilà, telle fratrie a mieux réussi, on fait un peu de réseau d'influence et puis ça peut permettre au cas où de trouver du travail plus facilement. C'était un peu l'idée de Zuckerberg hein, au départ, c'était ça. Hein. Alors dans le plan de l'émission qui nous a été gracieusement fourni, préparé... Un vrai travail de pro, je tiens à le préciser. Voilà, on sent vraiment un travail phénoménal. Le premier item, c'était de définir les... Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de respect. Parce qu'on est des glands qui ne savent rien faire de nos doigts, on est des gars, quoi. Heureusement qu'il y a une femme dans le groupe pour élever le niveau. Donc, voilà. Notre ami Lou nous proposait de... Oui, mais dans la team permanente. Ok. Donc, dans la première partie du plan de l'émission préparée par Lou, elle nous proposait de réfléchir à la définition des différents réseaux sociaux qu'on connaît autour de nous. Alors, je vois qu'elle nous avait mis Facebook. On vient un petit peu d'en parler. Il y a Instagram. Alors, ça, c'est plus récent, non ? Ça a été créé après Facebook, je pense. Hein. C'est assez récent. Ouais, c'est pas vieux, ça. C'est pas très vieux. C'est pas vieux. Ça existait déjà quand j'étais au lycée à la fac. Hein. Ah. Donc, mais t'es toute jeune, toi. C'est vrai, t'y étais il y a un an. Il y avait un an, deux ans. Mais quelle mauvaise... T'as vu nos cannes ? On les a garées à l'entrée. Moi, j'ai connu le petit modem qui faisait bip, bip, bip partout. 9600 baud. Pas elle. Il faisait du bruit. Les BBS avant Internet. Voilà. Si, mais je me souviens du bruit, le bruit pour la DSL. Si, ça je connais. Ça, ouais. Hein, tu cramais 100 francs dans la première minute. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est affreux. Il n'y avait pas de forfait illimité, rien du tout. Ouais, c'était vraiment hors de prix. On parlait de Itineris pour la téléphonie mobile et Wanadoo pour l'accès à Internet. Wanadoo. Et puis on n'utilisait pas ça comme on l'utilise aujourd'hui. Ben, ça s'est vachement démocratisé aussi. On relevait nos boîtes comme on relevait des emails. On avait des balles. Et on échangeait comme ça, même à travers le Minitel, pour qu'il était beaucoup plus démocratique et plus français. Moi, j'avais beaucoup de copains, Principalement, parce que t'es un jeune, mais dans les années 70, et tu vas me confirmer, il y avait beaucoup de boîtes aux lettres. Et pour les rencontres, très sérieusement, ça marchait énormément. Mais oui, c'est vrai, c'est clair, ouais, ouais. Ça marchait énormément. Les 36-15 Ulas, c'était pas qu'une légende. Ouais, ça marchait très bien. Mais c'était même très utile. Il y avait pas que des hommes qui allaient là-dessus. Ouais, c'était. Mais c'est vrai que ça marchait. Comme aujourd'hui, les réseaux sociaux, entre guillemets, de rencontres, parce qu'on peut dire que c'est des réseaux sociaux de rencontres. On est d'accord. Les mythiques deviennent des réseaux sociaux de rencontres aujourd'hui. C'est clair, oui. Les adoptent un mec, etc. Tout à fait. C'est clair. Mais il y a Tinder aussi dans l'eau, qui est beaucoup plus récent. Le vous, enfin, bon, je peux vous en citer. Ah, mais nous voulons savoir. Non, mais voilà. Mais la première partie de l'émission, c'est ça. On va passer en revue les mastodontes, les mastodontes. Vas-y, nous t'encourageons. Les origines à nos jours, en fait. On peut commencer par les vieux MSN, Caramail. Est-ce que ça fait partie des réseaux sociaux? Les AOL. Est-ce qu'un échange de mails et puis... Ça a été fondateur. Ouais, ça a été fondateur parce que... En fait, je pense que le premier point qu'il a fait, qui a... Voilà, la jonction entre la messagerie et les réseaux sociaux, c'était le fait la notion de discussion de groupe. Qu'on pouvait se rejoindre par affinité autour de sujets. Puis les messageries avaient leur propre chat, en fait. Donc les réseaux sociaux, c'est commencé. On communiquait par là. Pas, communiquait pas. Il n'y avait pas de communication. Il y avait entre... la boîte aux lettres d'à côté, puis il y avait une espèce de grande page où il y avait plein de messages de partout qui s'affichaient. Ouais. Ah, j'ai connu ça. Les CompuServe, les AOL, et puis après, au fur et à mesure des rachats, il y a eu des normes qui sont apparues. Il y a les Israéliens ont lancé ICQ, qui a été un des premiers très utilisés, qui a permis aux gens de commencer à chatter à travers, quel que soit le fournisseur, et puis on y est arrivé. Lycos. Ah, Lycos, va chercher mon toutou. Le chien, là, qui a... Lycos. Alta Vista. Oh là ! Alta Vista. Là, on sent les connaisseurs. Ouais. Ah, là, là. Oui. On va monter les cheveux blancs, là. Parce que... Multimania. Ah ouais ! Ah, t'as cherché du lourd, là. Ah, c'était pas mal, ça. Ah bah oui, bah moi, j'aimais bien Multimania. Il y a plein de pages de... Et Caramail. Caramail. Le premier réseau social français, c'est on peut le dire. C'était assez puant, Caramail. Caramail. Ah, il y en avait pour tous les goûts, ce Caramail. Ça on va le dire comme ça. Ouais. Ah, il y avait tous les chats possibles et inimaginables. Sur n'importe quel sujet. Ah ouais. Mais je me sens plus vieux que vous, tellement j'ai pas utilisé ça, quoi. Alors, tu utilisais quoi? En fait, Internet est arrivé très très tard chez moi. Il fallait que je sorte. Merci, PJ. Non, je suis arrivé très très tard sur Internet. C'est pour ça que je me sens pas le mieux pour parler des réseaux sociaux, parce que je suis un très mauvais utilisateur des réseaux sociaux. J'ai un compte qui a été bloqué parce qu'on me réclamait une pièce d'identité. J'ai dit, comment ça, il faut une pièce d'identité pour aller sur Internet maintenant, simplement alors pour chatter avec ça, c'était impo.gouv, non? Non, c'était. C'était pas un c'était site. C'était quand de... tu faisais des trucs pas légaux. Il y avait quelqu'un à l'autre bout, mais pas complètement quelqu'un de très ouvert. Non, c'était. Je parle bien du logo bleu et blanc, hein, avec un gros F. C'est quoi, ça? Ah, le Facebook. Oui. Bah, on n'a jamais eu besoin de mettre une carte d'identité. Je te montrerai. Ça fait du phishing. Non, je te montrerai. Je te montrerai. T'es obligé de. Et j'ai été obligé pour l'un de mes comptes professionnels de donner une pièce d'identité pour pouvoir garder le compte professionnel. Mes comptes personnels ont été bloqués. Et en général, c'est sur le cas de dénonciation. Ah, oui. Ah voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dire de toi que le compte que tu utilises n'est pas réel. Et donc, par principe, ils vont le bloquer. Et ensuite, il faut que tu prouves. Que tu es c'est à décharge. Là, ça y est, on tient un début de sujet un peu philosophique sur toute cette histoire de réseaux sociaux et de présence virtuelle. Comment on peut attester de la réalité des personnes qu'on a en face de nous? Ah, surtout quand on arrive à vérifier qu'une même personne peut avoir 3 ou 4 comptes, quoi. Avec le même prénom, le même nom, les mêmes photos, les mêmes amis. Les identités virtuelles, attention. Et quand c'est pas une personne qui, en fait. Se cache aussi. Pas sur la place d'une autre, oui. Non, mais moi, je pense par exemple aux hommes politiques. C'est jamais eux qui tweetent. Oui, non, c'est jamais eux qui publient. Ils ont un team. Ils ont toute une team de communication. Ils ont une équipe derrière, oui. Mais parfois, ils tweetent, eux-mêmes. Vous parliez juste avant d'attester son identité pour prouver qu'on existe. Il y a une histoire quand même très, très triste qui est arrivée il y a quelques années à ma professeure d'anglais. D'ailleurs, si elle m'écoute, je lui fais un gros bisou. Elle a commencé par très, très triste, j'ai cru qu'elle allait dire qu'elle est décédée. Donc, non, c'est pas j'ai elle. J'ai eu très peur. Ah, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est glauque. C'est glauque. Non, mais autant le dire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de tragique. Sa fille s'est suicidée et elle voulait faire clore son compte Facebook. Elle ne pouvait pas le faire clore comme ça, il fallait qu'elle donne le certificat de décès, donc c'est vrai que... C'est immonde. Voilà, on ne les ferme pas comme ça, mais c'est vrai que c'est une affaire très délicate. Après, ça date de 2010, donc j'espère qu'elle va beaucoup mieux maintenant. Dans tous les cas, voilà, ça peut quand mais même... Mais voilà, ça montre quand même les travers de la mort virtuelle, c'est pas forcément un travers. C'est pas forcément un travers. Dans toutes les démarches administratives, même pour fermer ton compte CAF ou je ne sais que quoi. Que tu rendes des comptes à l'État. C'est différent. Que tu rendes un compte à l'État, c'est normal. Voilà, c'est ça. À une société privée qui collecte des données pour vivre de la publicité, excuse-moi. Bah, ils vont collecter ta mort. Et ils ne veulent pas non plus collecter tes héritiers pendant qu'ils y sont. On peut aller loin. Mmh. Hein. Ça va super vite et super loin, ces choses-là. Non. Moi, justement, je me suis toujours méfié de ces réseaux sociaux. Je considère, pour moi, que ça, c'est la peste, c'est le choléra. Non, j'exagère. Oui, mais non. Mon ami Gaël, une église est un réseau social. Donc, par définition, il ne faut pas s'en méfier. Je plaisante. Hein. Simplement que je me suis toujours méfié de ces trucs-là où tout le monde étale sa vie privée de manière presque outrancière. C'est une église, quoi. Non, je me souviens des gens qui publiaient les photos de leurs repas. Aujourd'hui, j'ai mangé ça. Tu te souviens quand même, Cédric? Tu disais toi-même, un jour, je vais prendre en photo ce que j'ai fait aux toilettes. Je sais qui t'en fous, là. Non, mais je vois ce qu'il veut dire, en fait. J'imaginais le style. Ouais. Non, mais complètement, ouais. Mais alors, complètement. Quelqu'un pourrait reprendre en main. Voilà. Après, ouais. Non, mais je le rejoins dans ce qu'il dit. Ouais, ça devient tout et n'importe quoi. Je veux dire, celui qui va manger un paquet de pépito et qui va dire à 10h du matin, j'ai mangé un paquet de pépito. C'est. Regarde le phénomène des youtubeurs. À partir de rien, on va te faire des heures de vidéos live non, sur mais là, rien. Ouais. Certes, mais les pépito, j'aime bien l'exemple parce que malheureusement pour nous, autour de la table, on connaît plein de gens. Non, mais sans déconner. On connaît plein de gens proches de nous qui sont capables de poster ce genre de merde sur Internet. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est ça qui est malheureux. Et moi, je considère que ça pollue la communication. Quand on a un mur et qu'on essaye d'avoir des nouvelles de sa famille, de ses proches, et qu'on a quelqu'un qui vient publier « j'ai mangé ça ce matin », mais comme disait Cédric à l'époque, « moi, j'ai chié ça ce matin ». Enfin, je sais pas, il y a un moment... C'est pervers. Mais en fait, c'est même malsain, c'est le côté malsain. On va peut-être un petit peu vite en présentation. Ça, c'est intéressant. Ça revient souvent. Moi, j'ai pour habitude de dire que le côté les réseaux sociaux, c'est le narcissisme du siècle. C'est-à-dire que c'est un miroir, et dans ce miroir, il montre l'image qu'il voudrait donner aux autres. Oui, et non pas l'image réelle. C'est virtuel, quoi. C'est quelque chose. Les identités virtuelles, le côté. On va exister quelque part que dans le virtuel. Exactement. Ouais, franchement. Qui n'a pas mis une photo? Je sais pas, on a vu des photos de... Ouais. On a vu Julien avec des abdominaux, on n'y a pas cru. Mais après, ça n'a pas... Ouais. Mais oui, mais tout le monde sait retoucher des photos. Les fêtes sont passées par là. On sait tous ce que c'est que Photoshop. Les photos à la recherche du like, quoi, c'est on vit que par ça. Je veux dire, même la plus laide des filles qui mettra une photo d'elle, elle trouvera toujours 2-3 faux culs dans ses contacts qui lui mettront des j'aime, quoi. Je veux dire, la réalité. C'est générationnel aussi. C'est générationnel. Parce que là, il y a beaucoup de jeunes qui font ça. La recherche de like, en fait, à tout prix. Sur des images perso, ça c'est. Moi, je me sens pas concerné dans ma génération. Alors moi, les gens de mon âge, malheureusement, qui sont en mode un peu communiquant sur leur vie privée... C'est-à-dire autour de 35 ans, ils vont pour nos auditeurs. Non, mais ils vont poster des images d'eux avec leurs gosses, machin. Moi, je trouve ça odieux. Ouais. Odieux de publier ça sur Internet. Mais le sujet des jeunes, c'est plus de l'idolâtrie personnelle, de faire la compète de... Mais c'est pas pour rien qu'on appelle ça le selfie. C'est selfish, en anglais, hein, to be selfish et to take a selfie, je sais pas. C'est la pire, c'est connu. Right, Mr. Guy. Selfie. Le truc qui sert à rien, en fait. Je parle sous couvert de ce que Maléa peut dire. Après, si ça reste perso... Si c'est dans ton téléphone et que tu l'imprimes et que tu le mets dans un album, why not? C'est clair, mais pour le passer à tout le monde, quoi. Tu t'y mets? En fait, je pense que ça dépend du recul qu'on peut en prendre, mais ça, ça peut être un autre sujet. Mais on est toujours dans la partie définition. Je pense que ce serait bien de remettre un petit peu l'émission sur. Oui, maîtresse. Merci, maîtresse. Est-ce qu'on peut simplement rappeler quelle est la différence? Quelle est la différence entre Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter, qui sont les quatre gros qui ont été cités dans On peut définir la différence. La différence. Facebook. Donc Facebook, moi j'ai envie de dire, c'est un peu le tout venant. Hein. C'est le premier gros mondial. C'est le dire comme gros. Voilà. Il a pris la place avant tout le monde. C'est le mammouth. C'est la déchetterie occidentale. Occidentale. C'est pour ça que j'ai dit c'est le tout américain. Venant. Américain. Ouais. What do you think in your area? Have you what is the first network? Donc quel est ton premier réseau social? The most popular? Ouais, in your generation. Oui, dans ta génération. Instagram. Instagram. Wow. Same as in French. Après, elle est très jeune. Quel âge elle a? Quel âge tu as? How old are you? 15 ans. Elle a 15 ans. Bah, j'y suis fini. On a un traducteur. Je fais la double traduction, mais je suis pas toujours sûr de ce que je vais dire. Donc voilà, non mais ça c'est typique, les jeunes sont sur Instagram. Mais c'est quoi la différence? Ils ont quitté le réseau. Alors, c'est quoi Instagram? Bah, ils sont nés avec Facebook, ils ont vu leurs parents sur Facebook, ils n'ont pas envie de partager leurs données avec leurs parents. Exactement. Donc Facebook devient le réseau des ringards. Non. En tout cas, de la génération qui a 5 ans de plus ou 10 ans de plus qu'eux. Ah, parce que maintenant, le temps avance beaucoup plus vite dans notre génération que avant. Donc nous, on est branchés sur Facebook, ils sont branchés sur Instagram. Alors, Insta, c'est que des photos, c'est ça? C'est que des photos, c'est un peu plus... Can you try to explain us how Instagram works? Peux-tu nous expliquer comment fonctionne Instagram? En anglais? En anglais, ok, d'accord. Well, it's similar to Facebook. You can post photos and people can comment on your photos and like your photos. Tu peux poster des photos, commenter les photos, aimer les photos. You can share posts by like to other people and avec d'autres personnes. Chat, like you can talk to people. Tu peux parler avec les autres. Through the same app, you can post on a story. Tu peux poster une histoire, une story. Which is a story that only lasts for 24 hours. Une story qui date de ces dernières 24 l'histoire heures. L'histoire ne pourra 24 vivre que, 20, que 24 heures. C'est ça le grand côté. Un peu comme Snapchat. Alors voilà, c'est ça. Une durée de vie. C'est du réseau social temporaire. C'est-à-dire que je m'explique. Le contenu, s'il n'est pas fetché, s'il n'est pas revu dans les 24 heures, disparaît. C'est un droit à l'anonymat avec une autodestruction. Ah ouais, c'est une mission impossible. J'ai quand même et ça les rend dépendants. Parce que, et c'est là où c'est vraiment pervers. Ça les force à regarder. Exactement. Ok. Pour vivre dans la communauté, il faut avoir le contenu. Mais le contenu, si tu ne l'as pas regardé les 24 heures, tu es mort, tu ne l'as pas. C'est t'es in, t'es out. Si tu es absent un week-end du réseau social, je suis trop vieux pour Instagram. C'est qu'une stratégie pour rendre les gens addicts à l'addiction. D'ailleurs, la reconnaissance à l'addictologie des jeux vidéo, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Et les réseaux sociaux, ça vient les réseaux sociaux, c'est en train d'arriver. Ça, c'est vers la fin de l'émission. Ah, pardon. On a oui. PJ, tu peux demander à Maléa. Un peu tôt. Maléa. Tu peux lui demander, du coup, comment elle voit ça, l'histoire des 24 heures, comment elle ressent le truc? Do you find it's normal rules to have a 24 hours limit with Instagram? How do you feel it? Qu'est-ce que ça provoque chez when elle? What do you think about that? You think it's a problem or a right to have a private life? I don't understand the question. Yeah, because I think that everything what you post in Instagram has a life, long life hours. Of 24 hours. It can be really interesting because you can keep your. Attention, tu vas te faire taper par la maîtresse. Allez, vas-y. Il y a l'ouvre. En fait, je suis pas sûre que vous ayez bien compris, mais il y a des comment dire des photos parce que Instagram, c'est un album photo en fait, c'est un réseau social album photo. Il y a des photos qui restent éternellement et il y en a d'autres qui sont en story qui durent 24 heures, mais c'est pas toutes. Ah, mais on m'a induit dans l'erreur. Contrairement à Snapchat où les photos que tu mets, par contre, elles sont disponibles ou 24 heures ou pas plus. Cédric, la parole est à toi. Pardon, je vous coupe. Moi, je suis un peu vieux, 42 ans, mais le Instagram, je connais pas trop. Je connais plus le Facebook, moi. Mais Instagram, en fait, c'est quoi, la recherche de la meilleure photo de qualité, ou c'est pareil, on peut mettre sa tête à tout va, et c'est quoi le What are you looking for on Instagram? What is the goal on Instagram? The goal. Having the best pictures? For our generation, it's it's similar to what. I guess your generation uses as for votre Facebook. Votre génération a utilisé Facebook. Like it's for communication between friends. Like you can make group chats between friends. Alors ça, j'ai pas compris. On peut faire de la communication en groupe. Oui. Comme WhatsApp. Oui, exactement. For instance, I'm on exchange in France for 6 months, and so. Là, je te laisse traduire. Elle est en échange en France pendant 6 mois. For this 6 months that I'm here, I'm using social media to interact with people in Australia, and so. That's a big part for me at the moment to fit, like to learn what people are doing at home and to stay connected exactly. En fait, à travers le réseau social. And so for my friends who post at home, I am being able to keep in contact and I can be like connected and still have a part of what's going on in Australia while I'm in France. Connecté avec des guillemets quand même. Et c'est là où justement c'est intéressant parce que dans sa génération ils se sentent réellement connectés. Et c'est là je pense la différence avec la nôtre. Ils sont ils ont un rapport aux réseaux sociaux qui est presque le même que d'avoir quelqu'un en face de soi. Parce qu'ils ont créé cette relation d'amitié dès le départ avec ça comme support. C'est ça. C'est ça. Mais on a connu autre chose avant. Ça va loin quand même, parce que vous les voyez dans la rue assis les uns à côté des autres, ils chattent ensemble. Mais ils sont assis chacun sur leur smartphone. Ouais. Ah, ils sont juste à côté. Ouais, je veux dire, confirme aussi. C'est quoi c'est pas de la communication. C'est être déconnecté tout en étant virtuellement connecté. Excuse-moi, je vais trop loin. Ouais, on va trop loin. Oui. Alors, on continue à faire le petit tour des réseaux Snapchat. Sociaux. On est à Snapchat. Snapchat. Do you use Snapchat? Yes, I do use Snapchat. Why? Tout le monde a compris la question et la réponse. Snapchat is different. It's a completely different app to Instagram. You c'est don't. Question complètement différente d'Instagram. You don't post photos for on people to like. It's les gens les more usually a one-on-one conversation with somebody. Actuellement, on engage une conversation avec quelqu'un. For me, I use Snapchat as just a different way to communicate with somebody. It's not more personal, perhaps. C'est un autre moyen de communiquer avec les autres. Or more fun. Just more fun? Yeah, in a way, and it's also just a way to, like, if you, for example, today at school, my friend who boards at the school I go to, she was like, oh, I'll show you a video and send it to you over Snapchat of my room. So, for instance, it's used as a practical way to share photos and comme un tableau blanc, en fait. C'est l'idée du partage de tableau blanc, partager une personne. La traduction. Depuis quand elle est en France? 3 semaines. Et en 3 semaines, tu as déjà des liens numériques avec tes nouveaux amis français? Oui, oui. Depuis 3 semaines... Je peux lui demander, je préférerais que ce soit elle qui répond. He wants a confirmation. He wants to know if you have made some link with French, French students in high school. At school. Yeah, yeah. I've... On just Instagram, in 3 weeks? Yeah. Yes. We on I'd probably say the third day I was at school, I had most of my class on social media, added on Facebook and Instagram and Snapchat. Elle a été ajoutée sur les différents réseaux sociaux, It's Facebook, crazy. Instagram par et Snapchat. De classe. Camarades. Dès le troisième jour. C'est vite. Oui, avec les réseaux sociaux, ça va extrêmement vite. Et le dernier que je pense que tout le monde connaît un petit peu, enfin en parlant des gros, hein, il y a Twitter. Bah, je pense que tout le monde c'est connaît. C'est le seul que j'utilise. Bah, moi aussi. Le petit oiseau bleu. Mais alors là, sur Twitter, toi? Bien sûr que je suis sur Twitter. Je te suis même pas. Je suis très vont être augmentés, voire doublés pour certains. Je suis des grandes personnes avec qui je discute beaucoup. Ah, moi, je voilà. Non, non, mais Twitter, c'est le SMS moderne. Voilà, c'est comme ça que je le prends. C'est des conversations SMS, un peu comme on est ensemble. Hein, toi, tu fais one c'est to one. Ouais, c'est un peu SMS. One. Je connais pas trop Twitter non plus. Pourtant, je suis Twitter en la vie, Twitter, mais je connais pas trop en fait. Si tu veux Twitter. Franchement, c'est Twitter, c'est 140 caractères, donc faut savoir être concis, aller à l'essentiel. Donc ça se prête pas aux grandes conversations. Ouais, on peut pas raconter. Alors la règle a changé, mais midi, ça ou, reste ouais. court quoi. Oui, ça reste pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Ça passe pas. C'est quoi ton compte? Tu peux le donner publiquement Non, je te le donnerai en privé. Okay. Bon. Donc voilà, on a défini les grands, ceux que à peu près tout le monde connaît ou a. Enfin... Alors, moi, je voudrais bien juste compléter Twitter parce que oui. Je revendique que c'est le seul que je trouve acceptable de mon point de vue. J'ai des convictions à ce sujet. Non, mais... Parce que t'es pas obligé trop donné pour permettre d'y être. C'est peut-être ça en fait. Alors moi, je le défends souvent en disant que Facebook, t'es obligé. Obligé de supporter la médiocrité des gens qui t'entourent. C'est ça. Alors que Twitter, tu peux justement écouter bon, je vais pas dire des grandes semences, mais presque. Donc des gens intéressants. Moi, je suis des journalistes énormément, des gens qui ont quand même des points de vue sur ce qui se passe dans la société. Voilà, c'est pas le café du coin. Le café du coin, exactement. Alors, on en oublie deux qui sont très utilisés. Sans côté perso merdeux en plus. Et qui ont la même logique que Twitter pour ça, avec un peu plus de photos mais à peine, et qui sont des réseaux professionnels. Je pense à Viadeo et à LinkedIn, qui sont très Viadeo est un peu moribond. Tu serais étonné, ouais, franchement, les deux sont très utilisés. Il y a beaucoup de recruteurs aussi. En ligne sur les deux. Ah ouais. Ouais, énormément. Et je pense que c'est là que ça se passe pour la recherche de boulot. Actuellement, je suis pas très fervent dessus, mais non, mais justement, pour en avoir l'usage, toujours pour en être conscient. Mais c'est vrai que ça bouge énormément sur ces deux réseaux. Ah non, je suis non, je connais pas. Je suis sur LinkedIn, mais. Mais justement, j'allais embrayer sur les autres réseaux, comme tu as parlé de réseaux professionnels. Donc effectivement, il y a LinkedIn, il y a Bruce. Enfin, Bruce, c'est plutôt comme une espèce de pôle emploi. Il y a Shaper aussi qui est pas mal. Indeed. Indeed. C'est pas un réseau social. C'est entre les deux, c'est particulier, Indeed. C'est un quel job, quoi. Ouais, c'est plutôt... C'est un Le Bon Coin du travail mélangé avec une petite partie sociale. Voilà. Je trouve pas trop. Il n'y a pas beaucoup de social. Je suis allée dessus, je trouve pas. C'est un peu one way. Donc on a parlé de rencontres aussi, donc il y a des applications de rencontres, donc on a parlé de Tinder, de Lovoo, oui, Mythique et Adopter Mec, enfin bref, je parle en profane, j'y connais pas, j'ai jamais mis les pieds dessus, comme ça au moins vous serez fixé sur la question. Pas la peine de chercher Lou RGM. C'est réglé. Et il y en a d'autres, hein. Il y a aussi des... comment dire. Il y a des applications... Moi je l'ai trouvé sous un autre pseudo, mais je dirais pas. Là, on imagine pas, plein de choses. Donc tu disais, voilà. Excuse-moi. Alors aussi des réseaux sociaux pour sportifs. Alors bon, je peux parler que pour celui sur lequel je suis, alias Strava. Donc voilà, il y en a vraiment plein. C'est vrai, il y en a d'autres que je connais pas. Ça, c'est une mode aussi qui tend à se développer. Alors en général, ça dure pas longtemps, mais des espèces de pseudo réseaux sociaux qui sont très communautaires. C'est-à-dire la communauté des, comme tu dis, les sportifs. Tu vas avoir les curés, tu vas avoir les... Enfin... Ouais, mais moi, je... Ça devient très commercial après. Non, mais t'en as plein. Tiens, il y a un moment, tu pouvais par exemple acheter... Les rencontres religieuses, alors t'as le site catholique, le site musulman... Ah oui, mais là, tu fais des amalgames entre des réseaux sociaux et des sites internet, c'est exactement. Pas forcément ouais, la mais même ils sont foutus chose. De la même façon. Mais là, c'est à vue commerciale. C'est à vue commerciale. Non, mais Facebook aussi, t'as vu commercial. Oui, non, mais ce que je veux dire, exemple, ça... à un moment, on pouvait acheter une puce, par exemple, une puce téléphonique marquée OM ou marquée OL ou marquée PSG. Ça revient au même. C'est que c'était la grande époque des SMS. Tu pouvais envoyer tes SMS avec une pub pour l'OM ou une pub pour. Mais, voilà, tu vois, mais c'est vrai que Strava, oui, je fais du trail. Moi, je cours beaucoup. Bon, j'ai pas les applications là. Moi, j'ai ma montre à l'ancienne, quoi. Je veux dire, puis ça m'intéresse pas de dire où j'ai couru. Voilà. Parce que mais c'est traces, vrai que j'ai entendu parler de ça. Forcément, j'en ai entendu. Est-ce que tu partages sur les réseaux sociaux les endroits où t'as couru Là, j'y suis, attention. Sur Facebook, t'as ta cartographie, on voit le parcours, le kilomètre. On voit le parcours, on voit tout le kilomètre. Tu vois la trace. Fichier GPX. Alors, et l'avantage, c'est que si en plus t'as été très lent, les autres peuvent. Voilà, j'ai 30 de moi pour le montrer aux autres, en fait. C'est, ouais, c'est pour ça. J'ai été nul et c'est officiel. J'ai été nul, tout le monde le voit. Donc, voilà. On montre, comme tu disais, on montre un peu la médiocrité, effectivement. Il y en a même qui font des dessins bizarres, en fait, en tournant. Et puis ça ah, fait il y a un concours qui a été fait à Lisbonne il y a peu de temps. Ils avaient fait un éléphant dans la rue, un éléphant trace dans GPS. La rue en courant avec la trace GPS. Mais quoi, c'est rigolo, des fois. Il n'y a pas eu le truc aussi, le scandale avec cette application-là. Un militaire, des militaires qui ont été à Djibouti, qui ont été chopés. Ouais. Et donc, du coup, c'est même pas ça. C'est qu'ils faisaient du sport et publiaient légalement leur montre, leur cardio, leur suivi. Et du coup, on pouvait savoir où était la base. C'est très malin. C'est clair, oui. Comme quoi, nos gouvernements ne surveillent pas suffisamment. La loi est en retard par rapport à l'usage de tous toujours. Les outils. Puis mais là, c'est le plus principe. Génial que les réseaux sociaux, c'est les outils modernes. C'est en règle générale, puisque la loi se fait une fois qu'il y a une utilisation généralisée d'un outil. On parle des drones, on parle des montres suivies. Tout à fait. On se ferait pas un petit break ? Avec grand plaisir, ça donc on va pouvoir clore cette... Première longue partie de définition, il nous en reste 3-4 autres. Alors on va s'écouter un premier morceau de Fatboy Slim, d'après ce que je vois. Fatboy Slim. Difficile de voir ce qu'il y a écrit à l'écran et de parler comme il faut dans le micro. Le morceau s'appelle Demons. Bon ben, on s'écoute ça et on va voir ce que ça donne en espérant que j'arrive à le mettre en route. Hein ? Non, c'est bon. said she had a heart attack. I think the creature's coming back. And I am fried, cause all my love's electrifying. And I'm comfy like a cesspool. Wanna be with you. And it's my premonition. I better give my heart a listen. And my preacher said, all of your demons will wither away. Ecstasy comes and they cannot stay. You'll understand when you come my way. Cause all of my demons have withered away. All of your demons will wither away. Ecstasy comes and they cannot stay. You'll understand when you come my way. Cause all of my se retrouver dans quelques instants, mais d'abord un petit jingle de nos studios et on se retrouve juste après. Non, j'ai encore fait un fail pour changer. Ben voilà, il y a toute l'équipe qui se moque de moi. Vous pouvez écouter pendant que je me débrouille comme pas possible. Allez, on va faire le jingle nous-mêmes. On fait le jingle nous-mêmes. Ouais, allez-y. Bon, ben, je crois qu'on va pas avoir le choix. Radio Guimauzo 107 FM. Et vous êtes de retour sur Radio Guimauzo 107 FM. Avec les moyens du bord. Hein, parce oui. Que... Et vous avez c'est Roots. Entendu ah, à l'instant le morceau Demons de Fatboy Slim. Ouh. Toujours dans l'émission Débat Déo sur les réseaux sociaux. Et après avoir fait une longue grosse, oui, grosse définition sur ce que c'est, les différents machins. En plus, on a donné pas mal de noms. Et pas mal d'avis. Aussi, oui. On va continuer sur simplement ce que les réseaux sociaux peuvent apporter dans un premier temps. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de positif ? Je viens de lire un truc, je ne l'avais pas lu alors. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ? Trouver sa place dans une communauté fan de Harry Potter. Ah oui, il y en a. Y en a. Et c'est à ce moment-là que Mehdi m'a dit... Mais j'ai jamais vu Harry Potter. Non. Désolée. Oh là là. Et c'est là tu prends un coup de vieux. Non, elle a pas vu Harry Potter. Non. Eh bien, tu regarderas avec nous et tu verras, c'est fantastique. Attention, les goûts et les couleurs sont dans la nature et doivent se respecter aussi. Il faut laisser cette jeune fille le temps de se faire ses armes et peut-être avec d'autres films un peu plus intéressants. Pardon. Non, mais ça c'est très, très générationnel, Harry Potter. Voilà, alors, mince, j'ai perdu le plan. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Bien la idée, première ligne, c'était création. Donc les moldus, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ah, pas grand-chose, c'est des moldus. Mais si, dans tous les cas, les moldus ont inventé les réseaux sociaux. Pas la lancer. En négatif, on va commencer par le... Ah bah, en positif et en négatif. Oui. Bah, de toute façon, il a bien fallu qu'ils apportent quelque chose de positif pour que les gens y adhèrent. Alors, on fait ça, on fait ça comme ça, on fait le positif et après on... Ah, c'était ça, en fait, le plan. Vous faites le positif, je fais le négatif, en fait. Je fais le côté négatif. Pas tout de suite. Ouais. On n'a pas lu le plan avant de venir, j'en suis sûr. Oui, je vois, hein, je fais du travail qui n'est même pas vrai. Merci, Julien. Non, mais merci beaucoup. Bon, on a tous lu les titres en gras, mais... Voilà, moi, j'ai lu les titres... Ah oui, je lis le titre en gras. J'avais pas lu le 3. Ouais. Moi, j'ai tout lu, on l'a même traduit. Alors, on commence par, ce qu'apportent les réseaux sociaux. Avant toute chose, du moins, ce qu'ils peuvent apporter maintenant, c'est la création d'un réseau personnel ou professionnel dans quelques branches que ce soit maintenant avec les hashtags merci Twitter. Donc on peut trouver hashtag journalisme, passion, art, community manager, enfin bref, on peut trouver des gens qui nous parlent et qui correspondent un petit peu à ce qu'on recherche, donc des gens pour travailler dans la même branche. Mais ou alors, pour avoir la qu'est-ce même qu'on recherche passion. Voilà, qu'est-ce qu'on recherche? Ah bah ça dépend de ce qu'on recherche en effet, si on a déjà trouvé un boulot. Enfin, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il y a différents types de réseaux sociaux, mais on a parlé de LinkedIn. Il y a différentes utilisations. Voilà, il y a plein d'utilisations. Il y a des gens qui sont sur Facebook pour faire des rencontres. D'ailleurs, en tant que femme, je précise pour dire non, c'est pas parce que j'ai un compte Facebook que je suis là pour faire des rencontres. Bien au contraire, sinon je serais sur Tinder. Voilà, la parenthèse est fermée. Enfin, ceci dit, c'est vrai, vrai que quand moi je me souviens le jour où j'ai créé mon compte, la première chose que j'ai reçue, c'est des contacts Sabrina, avant. 26 ans, vu voilà, c'est ça, avec la photo pratiquement torse nu. Ah, ce qui est super marrant sur Facebook, c'est voilà, t'as ta liste d'amis, voilà, qui sont pas forcément canons, et puis là t'as une nouvelle amitié, c'est une nana, mais incroyable, la date de magazine, quoi, tu te dis mais, c'est, mais c'est pas possible, quoi, je veux dire d'un coup là, oui, bah, tu sens l'arnaque à la nigériane, tu sens que ça pue quand même, tu vois, la voir pas forcément, il y a pas besoin d'aller chercher si loin, hein. Ça peut être un Européen qui, voilà, qui essaye de... Gaël, il faisait ça avant, c'est pour ça qu'il lui demande sa carte d'identité. Voilà, on a tout compris. Voilà. Donc il y a des Européens qui le font, on est fait dans les Vosges, pour tout dire. Il s'est fait bloquer. Voilà, il s'est fait bloquer pour ça. Merci beaucoup. Mais ça élève le débat. Et c'est vrai que ça porte quand même une grande partie des réseaux sociaux, cet esprit de rencontre amoureuse. Oui, non, pas forcément, parce qu'on peut faire des rencontres sans que ce soit amoureux pour autant. Mmh. Après, maintenant, c'est très honnêtement, quand je suis arrivé sur Facebook et que j'ai commencé à bloquer, parce qu'au départ, c'était tout ouvert à tout le monde, etc. Ouais. Et j'ai reçu plein de sollicitations complètement inutiles qui venaient de tous les coins du monde. Et j'ai commencé par limiter la géographie. Mmh. Et donc, j'ai eu un contact, soi-disant, d'une Française qui a commencé à rentrer dans la discussion. Et je me suis dit, bon, bah voilà. C'est quelqu'un qui est comme moi, qui cherche à retrouver des liens sur Facebook. Je me suis dit, peut-être qu'on a un lien éloigné que je ne connais pas ou avec un membre de la famille. Donc tu as essayé de discuter avec ? Très honnêtement, elle a essayé indirectement de me draguer. C'est quand je lui ai dit que j'étais marié avec enfant, etc. Elle m'a dit, on peut se voir en dehors du boulot. Je dis, bah non, moi, Facebook, je l'ai pour le boulot. Je l'ai jusqu'à 18h et puis point barre après. Ah bon. Je dis, bah non, quand je rentre à la maison, j'ai ma famille, je m'occupe de mes affaires. Au boulot, je suis là pour le boulot. Et donc, si ce que tu as à me dire ou ce que vous avez, parce qu'à l'époque, je la vous voyais, et d'ailleurs, ça n'a pas changé, puisqu'après, on n'a pas continué. Donc, la Libye. Madame Gaëlle qui nous écoute ce soir. Tu nous écoutes. Non, mais c'est vrai vrai que c'est quand on débute et qu'on ne connaît pas les réseaux sociaux, ce premier contact peut être très surprenant. On se dit, mais pourquoi cette personne vient me parler? Parce que c'était la messagerie qui se mettait en route toute seule. Vous savez, la cling, vous n'avez rien sollicité, puis il y a ça qui se met en route. C'est quoi ce truc? On découvre. Ah, c'est intrusif, tiens, on peut chatter. C'est intrusif. C'est, et c'est hyper intrusif, en fait. Moi, je l'ai complètement désactivé, bloqué, tout ce que tu veux. Parce qu'on ne peut rien faire, on n'a plus de vie avec ça. Je rends le micro. Voilà, ouais, on parlait de création d'un réseau perso ou pro. Ouais, je pense que dans le professionnel, ça peut. Ouais, maintenant, de nos jours, qui ça n'a fonctionne. Pas ça c'est devenu un business. C'est devenu presque un business. Mmh. En fait, c'est même obligatoire pour une entreprise d'avoir sa page Facebook. C'est une vitrine. Tu discutes avec le recruteur, tu l'invites en LinkedIn. Mais il n'y a pas que ça. Et il connaît d'autres recruteurs ou des associations de recruteurs. Lui, il ne parlait pas forcément de l'aspect recrute, recherche un job, mais genre. Une société qui veut une institution, une entreprise qui est. Je veux poser une question, par exemple, je dis n'importe quoi. Mais la boutique, le magasin du coin, on va prendre Leclerc parce qu'il y en a un pas loin. Il est peut-être sur Facebook. Il est sur Facebook, il a sa page. Je vais demander si un produit est disponible. Il y a quelqu'un qui me renseignera tout de suite. Il y a ce côté, ce côté vraiment pratique, quoi. Ça, c'est un avantage. Côté professionnel, ils ne répondront jamais sur les prix, bien entendu. Voilà. Ah mais non, parce que sinon, les gens pourraient faire un comparatif sans venir dans le magasin. Il faut que les gens viennent. Donc, il n'y aura jamais d'informations sur les prix. C'est un canal supplémentaire de communication. Après, si, parce comme que là, en fait, c'est pas eux qui vont... Quand on va poser un commentaire, je veux dire, il y a tout le monde qui peut y répondre. Donc, ils ne vont pas supprimer le voisin qui met, par exemple, ça coûte 2 euros ici. Ou, Darty avait eu un problème comme ça. Parce que sur le site en ligne de Darty, à un moment, ça date d'il y a quelques années, ils avaient eu un souci comme ça. Il y avait des gens qui s'étaient amusés dans les commentaires à publier, en fait, le prix de l'article dans le temps sur le site de Darty et chez la concurrence. Ils n'avaient pas vraiment apprécié la blague. Parce qu'on s'était rendu compte qu'ils manipulaient le prix en fonction de la saison. D'accord. Ah oui, ok, ouais. Non, mais c'est bien pour dénoncer que... des... Voilà. Pour dénoncer des pratiques, c'est intéressant. Ouais, ouais. Mais justement, ils ont bloqué le système. Mais dans tous les cas, on voit beaucoup de choses, comme on l'a dit, les réseaux sociaux peuvent apporter certaines choses, donc trouver des personnes qui nous ressemblent, avec qui on a envie de communiquer avec des inconnus, pourquoi pas, ou retrouver des gens qu'on connaît pas, ça peut même rapprocher des personnes géographiquement éloignées. Mmh. Très personnellement, comme ça, c'est la petite parenthèse, il y a ma cousine qui est partie 3 mois en Inde. Eh bien, j'ai pu suivre son périple sur Instagram, où elle mettait régulièrement des photos de sa retraite spirituelle. C'est comme ça qu'elle l'a appelée. Enfin, voilà, ça permet aussi de voir certaines choses. Et puis après, c'est une autre ouverture sur le monde. C'est une forme de voyage aussi. Mais bon, là, je digresse beaucoup. Mais je vais te rejoindre. Moi, j'ai fait de la généalogie à travers Facebook. J'ai retrouvé des agents portant aujourd'hui encore mon nom de famille côté de ma mère, qui a un nom de famille très rare, et que j'en ai retrouvé jusqu'aux États-Unis, et j'ai pris contact comme ça avec des cousins éloignés à 3-4 générations grâce à Facebook. Donc, comme quoi. Moi, j'allais simplement rappeler la première chose qu'on s'est dit tout à l'heure en arrivant, c'est que là, on a vraiment le parallèle avec l'utopie. C'est vrai que l'utopie. C'est les belles choses. Les belles choses de Facebook et compagnie, c'est ça, c'est le multiculturalisme, quelque chose qui est très. Comment on pourrait dire, un mélange de toutes les cultures, on découvre le monde devient interconnecté, on va dénoncer les injustices dans les autres pays, les pauvres dissidents politiques chinois vont pouvoir se plaindre, enfin... Ou essayer, en tout cas. Ou essayer. Non, mais c'est le côté utopique du réseau social, quoi. Oui et non, dans la mesure où, comme tu parles de dénonciation, il y a aussi, encore une fois, en tant que femme, des pages où des femmes communiquent entre elles pour savoir, alors, ou pour témoigner de situations dont elles ont été victimes, ou pour demander de l'aide, pour savoir comment réagir à l'avenir. Il y en a des choses aussi comme ça. C'est, cette page, entre autres, s'appelle L'empêcheuse de tourner en rond. Ah bon, visiblement, PJ la connaît. Page sur laquelle je ne suis pas spécifiquement active, mais je lis très régulièrement. Enfin, voilà, on peut trouver beaucoup de choses, des témoignages aussi avec des personnes qui ont peut-être eu des parcours similaires. Des choses très difficiles d'ailleurs. C'est important à rappeler aussi que les violences, les oppressions que subissent encore les femmes sont très nombreuses et que forcément moi je parle en tant que femme, je sais très bien de quoi il s'agit. Et que on continue quand même, ou elles continuent à leur manière de dénoncer toutes ces situations. Donc on y trouve quoi? Du soutien? Oui, du soutien, des témoignages, des témoignages même d'hommes. Il y a des hommes qui donnent parfois des témoignages pour dire qu'ils ont réagi ou qu'ils auraient dû réagir. Ou récemment, mais là tu vas faire la grimace, le témoignage d'un homme qui a lavé la serviette lavable de sa femme. Voilà, la grimace, j'aurais dû la prendre en photo. Mais on trouve de tout. Il faut vraiment installer une caméra dans ce studio. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis le bon côté, ouais, on en parle, ouais, c'est vrai que là, on parle vraiment des côtés positifs, mais ça permet aussi à les personnes qui sont seules, je veux l'isolement, dire, qui sont vraiment seules dans la vie, qui ont personne, de rencontrer d'autres personnes, de discuter, quoi, ça brise un peu la solitude, et c'est vrai que ça fait du bien à des personnes. Puis l'idée de rencontrer, voilà, qu'ils n'auraient pas rencontré parce que la timidité, quelque chose comme ça qui les empêchait d'aller vers l'autre, et je trouve que ça peut être vraiment. Il y a tellement de personnes qui sont toutes seules. Tu vois, l'isolement. L'isolement. J'ai peut-être allé jusqu'à pousser le vice en disant que ce serait peut-être un bon sujet d'étude de la part des psys de s'en servir comme outil. Parce que ça doit être, c'est quand même quelque chose qui peut être, les réseaux sociaux, libérateur. Très utile. Bah, les gens touchés par l'agoraphobie, les gens touchés par l'autisme, les gens, enfin voilà, il peut y avoir 36 raisons de s'en servir pour dire se forcer à créer une relation. Il y a énormément de gens timides qui pondent des textes extrêmement longs sur Facebook parce que justement ils peuvent enfin s'exprimer, se libérer, oser s'exprimer. On les écoute et puis je veux dire, on va pas les juger sur un physique ou sur une façon d'être que ce qu'ils auraient pas dans la vie ou voilà. Je pense que c'est pour les côtés positifs. Moi, je pense, voilà, mais malheureusement, quand on dit ça, moi, je pense tout de suite à la manipulation, quoi. Je pense tout de suite à l'autre côté du miroir, quoi. La manipulation et le faux semblant, la dissimulation, alors, le type qui va se raconter une vie alors que c'est des grosses conneries. Enfin, on a eu plein d'exemples comme ça. Ça me fait penser à un film américain, une espèce de docu-film. Je ne sais pas si ça te parle, PJ, où des jeunes cinéastes s'étaient amusés à se filmer en train d'interagir avec une nana sur Facebook. Et ils sont partis à la quête de cette personne en mode documentaire. Et en fait, ça n'existait pas. Enfin, voilà, mais c'était une espèce de vieille mémé dans une caravane perdue dans le désert australien, peut-être bien. Je crois que c'est ça. Australien ou américain ? De l'Arizona. mais du coup, voilà, le faux semblant total. Mais ils sont tombés sur une situation de détresse phénoménale, quoi. Détresse sociale. D'une nana qui avait tout pour elle. Ils sont tombés sur une grand-mère dépressive dans sa caravane, quoi. Non mais c'est ça, après c'est l'histoire de l'avatar, c'est l'avatar. Ouais, pour les personnes qui s'inventent une vie, mais qui vont se l'inventer même dans le réel, quoi, en fait. Pas que dans le virtuel, de toute façon. Le problème, raconter n'importe quoi. On a beau raconter n'importe quoi, la personne qui l'écrit est bien réelle. Oui, mais c'est ça justement, et on va directement sur le point 3 à présent, à moins que vous ayez encore autre chose à disserter sur cet aspect-là. C'est l'impact de l'anonymat par rapport à Internet. Moi je trouve qu'il y a quelque chose que l'anonymat a permis en termes de délier des langues à un point qu'on n'aurait jamais imaginé que ça puisse se faire, y compris dans la thématique de la violence, le harcèlement, ça va très très loin dans les extrêmes. Le djihad. Ça en fait bien partie, c'est clair. Ça fait partie de la liste, si vous lisez c'est pour ça que j'oublie ce djihad, parce que je l'ai vu. Il est allé jusque-là. Donc il y a le cyberharcèlement, le revenge porn, le lynchage de masse en place publique, les challenges dangereux. Alors il y en a que j'avoue je découvrais. Alors, le ice bucket challenge. Alors c'est une grande discussion qu'on a eue avec Mélie. Elle connaissait pas ? Non, justement au contraire. Pour eux, elle me l'a bien expliqué. Elle nous dit, pour nous en Australie, le ice bucket challenge, c'était quelque chose à fond caritatif. Le fait d'y participer était le meilleur moyen de récupérer de l'argent, et on a tous fait ça avec intelligence, sans prendre de risques avec nos vies. Et quand je lui ai expliqué qu'en Europe, aux États-Unis, ça avait dégénéré, mais alors un truc de dingue, elle était sur les fesses. Elle était même choquée parce que c'était pas du tout le but premier. Après, grosso modo, c'était les restos du cœur, le machin. Tu faisais le challenge et tu versais de l'argent à une cagnotte. C'est jamais arrivé jusqu'à chez nous, ça. Ah non, cette information n'est pas parvenue. Eh oui, et j'étais surpris. Ouais. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire ça, que ça servait, il le faisait pour une action caritative. C'est ça, mais, oui, qu'il y avait une cause noble derrière. Il y avait une cause noble derrière, mais voilà, c'est tout. Hein, j'avoue que c'est juste un défi à la con. Nous, exactement, on en a retiré. Mais comme souvent. Après, Facebook est responsable de certains trucs aussi. On se pose des questions des fois sur Facebook parce qu'ils laissent passer des images où, je sais pas, je vais dire, on parlait du terrorisme tout à l'heure, ils vont laisser passer des images, mais glauques, et ils vont retirer celui qui a mis le tableau de Courbet, là. Je veux dire, à un moment... La naissance du monde. Ouais, voilà, ils sélectionnent quand même. Le problème de Facebook, c'est que ça reste une entreprise américaine et que la notion américaine de liberté est totalement différente de celle de la de chez nous, très européenne. Oui, ils vont pas avoir de problème avec une vidéo d'un type qui se fait décapiter. Tout à fait. Ils n'ont pas de problème avec des nazis. Ouais, mais alors, si tu leur montres des communistes, là, ils vont faire des bons jusqu'au plafond. Oui, c'est clair, où on va dire une blague, voilà, ou une photo de femme, voilà. Donc, c'est, oui, une femme torse nu, ils sont très Moi, j'avais mis, y compris pour lutter contre le, pour les, la défense, oui, voilà, la lutte contre le cancer du sein. C'est complètement ahurissant, quoi. Il y a des campagnes qui sont faites pour justement communiquer, pour dire aux femmes qu'il y a des maladies et des moyens, des maladies, mais aussi des moyens de les de prémunir, de prévenir, voilà, avec les diagnostics. On pourra parler de leur fiabilité sur une autre émission si vous le souhaitez, mais derrière il y a une comment dire désinformation complète parce que sous prétexte que ah oui mais c'est un réseau social. Ben dans ce cas-là il faut mettre des limites d'âge à ce réseau social parce qu'au début il était quand même ouvert à tout le monde. Ah non quand je suis allée dessus il fallait avoir minimum 13 ans. Il y a des minimums. C'était en 2008 ou 2009. Oui c'est vrai qu'il y avait le minimum de 13 ans. Et il n'y avait aucun moyen de le vérifier. Mais comme quoi par contre il n'y avait pas moyen. Voilà il suffisait de mettre une date des années 80 c'était réglé quoi. Tout à fait. C'est un défaut cet esprit. Une date de vue. Cet esprit de jugement américain, puritanisme, etc. Malgré tout, on est tous à être sur Facebook, on est français, on est australien, on est de partout. Mais malgré tout, c'est une boîte américaine, donc qui est vachement empreinte de cette culture américaine, et de cette censure américaine. Ah, tout à fait. Par contre, PJ parlait justement, c'était la culture américaine, voilà, qui avait des codes. Mais là, sans retomber dans l'actualité des gilets jaunes, il y a des vidéos qui passent en ce moment sur les violences qui sont faites. Elles sont, c'est purement français là actuellement. Elles sont virées tout de suite, quoi, en fait. Donc elles sont virées. Elles sont virées, quoi. Elles sont effacées. Elles sont retirées de manière publique. Elles restent accessibles de côté privé. Et c'est bien ce qui, en ce moment, est assez important là-dedans. Il y a une polémique là-dessus. C'est-à-dire que tu peux publier absolument n'importe quoi dans les groupes. La partie publique, si c'est publié de manière publique, là, il y a de la censure. Ouais. Ce qui n'est pas illogique, d'ailleurs, parce que ça voudrait dire que n'importe qui pourrait accéder, c'est un peu gênant. Mais si les gens ont fait la démarche d'être dans les différents groupes, ils voient la totalité du contenu. D'accord, ok, oui, je pensais qu'ils... Tu vois et c'est là... Bah, à la limite, ça ne me choque pas tant que ça, parce que si la personne... Si t'es n'importe qui, t'as une pub par rapport à un contenu qui est dans un groupe qui ne t'intéresse pas, c'est vrai que ça va te choquer de voir un contenu qui ne t'intéresse pas. Donc, ils veulent aussi garder leur audience, ils ne sont pas fous. Ils savent que ce sont des événements qui mettent les gens les uns contre les autres. Donc, par définition, ils se disent, si nos auditeurs commencent à être choqués par du contenu d'un côté ou de l'autre, et que du coup, ils arrêtent de se brancher à Facebook, on perd de l'argent. Donc, ils se disent, si les gens veulent du contenu pro-gilets jaunes ou contre gilets jaunes, ils sont chacun dans leur groupe, de leur côté. Oui, au moins, c'est entre eux, ça les intéresse, ils vont rester. Mais ceux qui sont au milieu... Autre, ils vont pas les... Exactement. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est très commercial. Et il y a pareil dans l'extrémisme, comme tu disais, le djihad qui recrute via Facebook, etc. Ça va super le fait que ça soit pas public, malheureusement, c'est un peu. Après, ça c'est pas. C'est un peu la chasse gardée du gars qui gère son groupe, quoi. Ouais, c'est clair. C'est du personne à personne, ça pour les recrutements, il me semble. Et puis c'est pas sur Facebook, mes amis. Hein, malheureusement, c'est pour les jeux vidéo. Ah mais il y en a beaucoup. Les PlayStation 4 ont été très très bien vendus pour le recrutement de Daesh. Il y a des jeux vidéo qui servent, qui ont des possibilités de chat intégré et qui passent totalement inaperçus. Et c'est un cauchemar pour les services de sécurité de l'État de réussir à intercepter les communications parce qu'elles passent sur des serveurs au Japon. Enfin, c'est un bordel inimaginable. Sony est en grande partie et le sait et ne veut rien lâcher parce que Sony ne veut pas perdre son image de grande société qui fait ce qu'elle veut quand elle veut, un peu comme Nintendo à la même avis, et donc ils ne veulent pas laisser accéder aux serveurs qui servent de chat, de relais, et malheureusement il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont connus pour ça. Voilà, un bon exemple aussi de c'est la sociabilisation qui a été mise dans les jeux vidéo, la partie réseau social qui a été mise dans les jeux vidéo, les jeux vidéo le collaboratif. Et ça, c'est ça pour moi, c'est le côté pervers. Il y a un autre point, je vais le lire, arnaque et manipulation pour obtenir de l'argent, surtout auprès des plus jeunes et des plus naïfs, arnaque iPhone, Instagram, demander des photos porno sur Facebook, après séduction active, forcément... etc. Ouais, c'est pas que La pédopornographie fonctionne aussi sur les réseaux sociaux. C'est pas exclusif. Non, mais t'as carrément des groupes sur Facebook, ça pleurait. Tu dis que il y a des gars qui ont le culot de créer des groupes. Donc les groupes, tu te dis, c'est quand même théoriquement censuré le contenu. Et les groupes, ils sont toujours ouverts. Les groupes, ils changent d'une lettre dans le nom et hop, c'est reparti pour un tour. Ils sont entre eux et des annuaires d'initiés. Enfin, c'est abominable. Oui, ce qu'on voit, ça. T'as beau lutter, clair. Les déclarer en permanence. Moi, je sais que je passe en tant que citoyen un grand temps à essayer de traquer ces trucs-là et les déclarer. Il y a une plateforme de l'État qui sert à ça pour faire la cybertrack. Ça leur fait gagner du temps en gendarmerie à Rony pour éviter de passer du temps à les traquer. Et donc, plus il y a de témoignages, plus ils s'en sortent correctement. Et c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Et clairement, mais c'est affolant. Les gars, ils changent une lettre dans le nom du groupe et hop, le groupe il est reparti pour 15 jours à s'échanger des photos et des saloperies. Sans avoir la possibilité d'être. D'intervenir. Voilà. d'être filtrés, etc. Donc c'est... Voilà, et comme le disait PJ, c'est vraiment un réseau d'initiés à noms, à hashtags, comme on le disait, c'est on ça. Le voyait sur YouTube, on le voyait sur Instagram, sur Snapchat, enfin voilà, il y a vraiment, ça peut être, comme c'est ce qu'on est en train de dire, ça peut être extrêmement dangereux, alors on a parlé de ça, on n'a pas parlé des challenges qui peuvent être dangereux. Il y a ce côté pervers, hein, c'est un côté pervers, mais... Moi, j'aimerais qu'on parle aussi du côté simplement déversement de haine. Ouais, ça ah, c'est oui. clair. La haine gratuite. La haine gratuite. On en voit partout. Je suis inscrit sur un truc Vente des Vosges 88 ou voilà. Et je regarde les annonces. Donc mais des les petites gens, annonces, ils, c'est des petites annonces. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à s'insulter. Et entre deux annonces, t'as un facho. Et puis il y a des insultes en bas, mais ça devient dans les commentaires. Folie, ça devient une âme. J'ai vu une fois je sais plus, c'était une nana qui était un peu dans la galère, qui cherchait des meubles en don. Et voilà, elle se faisait insulter derrière, ça partait, ouais, t'as qu'à aller travailler, machin. Mais c'est parti ah non, en mais live. C'est incroyable, hein. Mais c'est fou quand on se dit, mais ils déversent leur haine là. Parce donc ça a fait en plus. Et c'est dû à quoi? C'est l'anonymat qui crée ça? C'est l'anonymat, je pense. Et la liberté de dire n'importe mais quoi. Mais sur Facebook, il y a ton nom. Non, parce que tu peux t'appeler comme une fois. Si tu veux t'appeler Jean-Loup, tu t'appelles Jean-Loup, c'est fini. Oui, tu peux avoir un. Puis Jean-Loup, ça tirait bien ça. Puis le côté malsain, c'est le côté aussi, oui, on se sent libre, comme dans la voiture quand quelqu'un nous coupe la route, qu'on l'insulte ça. Comme ça, je veux dire, on n'est pas on en face. On a la parole. Je pense que c'est le même phénomène. C'est le même phénomène, en fait, c'est exactement pareil. Je suis le king de la route, je suis le king du net. Voilà, toi, c'est un peu ça, ouais. Et ça part en insulte. C'est pas seulement le king de la route, si on le compare au king de la route, c'est le côté je roule, donc dégagé, je suis là. Et je roule pour moi et pas pour les autres, et voilà. C'est pareil sur les réseaux sociaux. C'est pour moi que je suis là, c'est le côté selfish. Ça me fait penser à deux termes qu'on n'a pas mis dans... Selfish, tu te pêches toi-même ? Non, mais c'est pour selfish, ça. Ouais. PJ. Ça me fait penser à deux termes qu'on n'a pas mis dans le plan. On n'a pas mis le terme troll. Ah. Ah oui. Et troll. Le terme hater. Eh ben alors, les trolls sont là bien avant les réseaux sociaux, parce que ça date des IRC. Alors, ah ouais. Puis les trolls, ouais, je connais les trolls. Les trolls. Par contre, l'autre. Les haters, ça les c'est. Les haters, ça se rapproche quand même. Ceux qui foutent le feu, littéralement, voilà. Ils agitateurs. Bah, c'est pire que ça, c'est du déversoir de haine, hein, vraiment. Ils mettent de l'huile sur le feu, voilà, ils mettent de l'huile sur le feu. Un bon hater n'est pas celui qui va jusqu'à la fin de la discussion, c'est juste, il est juste là pour mettre le feu et il balance son truc. C'est un pyromane. Les trolls aussi. Non, mais c'est encore pire que ça. Non, le hater, pour moi... Oh, attends, non, il n'y a pas que du troll marrant. Non, pas que. Non, mais les trolls, ça a toujours été. Alors, est-ce que vous pourriez définir pour nos auditeurs ? Parce que je vous rappelle qu'on est sur Gamezo, je pense qu'on a une certaine partie de l'auditoire qui a un certain âge. Mm-hmm. Oui, comme moi et toi. Nos déambulateurs nous attendent à l'entrée, vous aurez pitié. Ouais. Donc le troll, le principe du troll. D'où vient ce nom troll ? On va laisser notre ami Lou nous expliquer ce qu'est un troll. Non mais la plus âgée, la patate chaude qui va ressauter, je vais s'en venir. C'est PJ qui va se la prendre. Malheureusement, oui. Si PJ va devoir. Parce que, attendez, laissez-moi finir. Parce que moi, je connais que les trolls à partir de la génération des mèmes. La génération des mèmes, c'est ma génération. Bah, oui, les trolls gentils, forcément. Quoi. C'est ça. Ça, c'est le troll farceur. C'est les trolls que je connais et c'est le troll d'ailleurs que je suis parce que je suis un troll. Autant le dire. Ceux qui ne me connaissent pas savent que je suis une sacrée farceuse sur Internet. Alors, est-ce que Mélie sait ce que c'est un troll ? Do you know what a troll on a chat ? A troll. As in like... On a forum, on Facebook. People that always wait some word and always respond with pre-mind things. And c'est ce qu'est un troll. Things we don't want to hear. No? To hear. I know of, but not in that way. Alors, un petit peu, mais pas dans le sens que tu veux dire. Ok. Dans quel sens? Bah, dans le sens qui dit que les trolls disent ce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, c'est ça. J'étais bien mais compris. Du coup, dans quel sens elle connaît ça, elle ? In which way do you know the trolls ? That's really difficult to explain. Bonjour. La patate était tellement chaude que c'est Mélie qui... Ah bah, entre père et fille, on est habitué. Le terme troll... c'est un terme qui vient d'une forme de mythologie, hein, l'animal. C'est l'image du lutin maléfique qui vient emmerder le monde à chaque fois. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Hein, il faut commencer par là. À partir du moment où on a l'image de ce petit lutin qui vient maléfique. Ouais, mal intentionné, avec le sourire, avec le petit sourire sadique, les oreilles pointues et patati, voilà. Et qui vient, voilà, c'est le Bronx quand il passe. Et ensuite, surtout, il s'en va. Il est juste venu faire son bronx et il s'en va. Et après, une fois qu'il est parti, tout le monde est bien remonté les uns contre les autres. Voilà. Donc, c'est le même principe sur un réseau social ou sur un forum, hein, parce qu'on les voit encore très, très actifs dans les forums. Bien sûr. Et à chaque fois, il y en a qui disaient « Don't feed the troll », ne nourrissez pas le troll, arrêtez de lui répondre. Même c'est ce qu'il veut, il est là pour ça. Quoi. Même dans la vie de tous les jours, au boulot, je veux dire, il y en a qui foutent la merde. On a toujours un collègue qui fout la merde, on l'appelle pas le troll. Mais on n'en pense pas moins. On n'en veut pas lors du déjeuner. On n'en veut pas, et puis il vient foutre le... Mais il faut, oui, il reste en fait lui. Mais et la différence avec le hater alors, le hater par rapport à ça. Le hater pour moi, c'est plus politique. C'est-à-dire que c'est plus par rapport à pour essayer de pousser des idées qu'une préconception de l'idée. C'est-à-dire que le troll c'est un peu gratuit alors que le hater c'est vraiment plus pour manipuler. Puis le troll, il emmène dans des sujets qu'on n'a pas recherchés. Ouais. Alors que le hater, il est sur un sujet dont on parle et bam, il va balancer un truc bien méchant et gratuit. C'est méchant, hater, ouais. C'est méchant. Ouais, ça sent gratuit, mais c'est dirigé. C'est-à-dire que ça va t'emmener vraiment vers là où il veut emmener l'opinion. Et encore, c'est rarement pervers, hein, c'est souvent très direct. Hein, c'est clair. On ne peut pas se tromper. Hein, d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est un art. Hein, parce que moi, j'admire les gars, comment ils font pour faire ça. Il y a beaucoup d'intelligence dans ce qu'ils font, malgré tout. Enfin, ça dépend desquels. Hein. Mon avis, c'est pas très cher. Il y en a qui s'appellent hater, qui n'en sont pas. C'est du troll. Mais ceux qui sont vraiment bons, c'est vraiment des manipulateurs d'opinion. Alors, en parlant de ça, il y a aussi un autre thème que je ne crois pas avoir vu dans le plan de notre ami Lou. C'est pour ça qu'il fallait pas hésiter à le rectifier, je voulais. Et à le lire. J'ai retiré les premières lignes dans lesquelles a été marqué qu'elle attendait nos avis et nos remarques. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui est revenu, mais voilà, et ça vient sur la table. Parce que j'ai un peu la même qui bosse là. À la suite des trolls, à la suite des haters, moi je pense aussi à l'espèce de bien-pensance aussi. Ces temps-ci, on critique justement cette espèce de bien-pensance. Le politiquement correct. Dès qu'on va te faire une espèce de blague, tout de suite, ça va être interprété par les féministes. Enfin, on sait qu'il y a quelques groupes. Qui attendent que ça, que de se jeter sur le truc. Bah, les vegans, ils sont très remontés sur Twitter, etc. Les féministes c'est du haut niveau. Ouais. Les insoumis. Ah oui, on les oublie assez souvent, mais c'est vrai que. La République, c'est moi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Oui. Les rassemblements bleu marine. Enfin, on a des groupes comme ça politiques qui sont. Alors, pas forcément les bleu marine, mais ceux qui ont une espèce d'idéal de bien-pensance. Alors, comment on dit bien-pense ? J'ai l'impression de ne pas savoir dire non, ce mot. Non, bien-pensant. Bien-pensant, ouais. Okay. Ouais. Moi, je pense surtout aux féministes. Parce que c'est vrai que très souvent, là, les MeToo, etc., tout de suite, ça a été dévoyé parce qu'il y a une espèce de tribunal. Le terme tribunal, on l'a... Ah oui, le terme tribunal, ça c'est... Le terme tribunal. Il y a un tribunal populaire sur Internet. Est-ce qu'on pourrait un petit peu détailler cette idée-là ? Parce que je trouve qu'elle est assez majeure ces temps-ci au niveau politique, au niveau du jeu des pouvoirs et des idées au niveau d'Internet. Il y a un tribunal populaire, les gilets jaunes aussi. Quelqu'un gagne plus de 2000 euros, ça y est, on lui tombe dessus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une recherche permanente de la comparaison. Et comme tout est devenu, entre guillemets, une donnée, et que tout est devenu, grosso modo, public sur la voie publique, on part du principe que maintenant, c'est facile de comparer. Et que tout le monde a le même niveau. Et c'est marrant. Et surtout, on ne compare jamais des choses qui sont comparables. Ah oui, alors là, ça c'est clair. Et j'entendais le président qui disait la dernière fois dans les débats, parce que j'écoute beaucoup les débats, et qui disait quelque chose que j'ai qui m'a bien plu pour ne pas dire autre chose comme quoi maintenant tout le monde était juge de tout le monde et que tout le monde va avoir le même niveau que qu'il soit député qu'il soit simple citoyen qui vote ou qui vote pas tout le monde va avoir le même niveau que tout le monde mais sans la responsabilité derrière donc c'est compliqué Je compléterai en disant que ces temps-ci alors c'est pas de moi hein, je l'ai entendu mais on accorde autant d'importance à la parole du moindre gars qui est autour d'un rond-point à côté d'un prix Nobel c'est ça on met à la même hauteur les propos d'un prix Nobel et d'un gilet jaune, quoi. Bon, alors, je dis pas, le gilet jaune a sa vérité, il a son regard, son vécu. Mais à côté son de regard. Ça, au niveau stratégique, au niveau politique, au niveau de ce qu'il y a éventuellement de possible ou non en termes de société, il y a quand même un prix Nobel d'économie ou un prix Nobel de la paix ou que sais-je, hein, des gens qui ont quand même fait autorité dans leur domaine, ils ont quand même quelque chose à dire de plus. Mais je crois qu'on n'admire plus l'intelligence. On n'admire pas l'intelligence. On est jaloux. Sur Internet, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, oui, c'est la jalousie. Ouais. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de jalousie. En fait. Tu sais, ça, malheureusement, ça fait 100 ans que ça dure. Avant, un instituteur était quelqu'un d'admiré dans un village, parce qu'il donnait l'enseignement. Et ça fait une centaine d'années que c'est démonté au fur et à mesure, où maintenant, l'instituteur... C'est un fonctionnaire. Bah, voilà, exactement. On a construit tout ça. C'est un... Oui, avant, c'était l'archéologue, c'était tout. Il faisait tout, l'instituteur. Maintenant, et c'est, maintenant il est tout le temps en vacances. Voilà, il est tout le temps en vacances. Il a des vacances. Il est en maladie. Et c'est le prémisse. Oui, il fait grève, en fait. Je t'en donne un deuxième exemple. Avant, le maire était notable dans les communes. Ouais. Maintenant, c'est plus le cas, faut être honnête. Oh, c'est beaucoup moins vrai qu'avant. Hein. Quand même, par rapport à ce que tu disais, toi, Julien, par rapport à le prix Nobel d'économie d'un côté et le gilet jaune de l'autre, il y a quand même, Internet a permis à chaque personne de s'exprimer, de prendre la parole. Ça, c'est très beau, parce que... c'est beau, mais, fait, mais dans le tas, il y a de la merde. Hein. Attention à l'autocratie. C'est clair, dans le tas, il y a de la merde. Hein. Laisse-moi finir, sinon je me fâche. Je disais, certes... Je vais faire pipi caca dessus, là. Non, mais il y a d'un côté... oui, 21h11, il faut vraiment qu'on avance. D'un côté, on commence à se rendre compte aussi. Alors, ça ne veut pas dire que le prix Nobel a tort, mais dans tous les cas, on va parler des hommes politiques. Eux, ils vivent complètement déconnectés, décrochés de la vie. Pas forcément. Ah ben si, pas tous, mais beaucoup. Pas ce que c'est de vivre comme tout le monde. Déconnecté. On n'a jamais eu. On n'a jamais eu autant de députés qui sont connectés avec la vraie vie. C'est des gens qui sortent de nulle part, qui n'étaient pas politiciens il y a quelques mois. Oui, non, mais on est d'accord. Mais est-ce qu'on met à leur reprocher? Est-ce qu'on commence à leur reprocher d'ailleurs? C'est ça qui peut être demandé. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, on leur a reproché juste après leur élection. Et leur manque de visibilité. Non, c'est paranoïaque. Tu sais qu'on leur a reproché ça. D'être justement des noobs, quand ils sont arrivés au pouvoir à l'Assemblée, parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, machin, quand ils étaient dans le perchoir, etc. Et maintenant, le truc s'est inversé. Maintenant, on en fait des notables, alors que ça fait moins d'un an et demi, enfin, ça fait combien de temps qu'ils ont été élus? Ça fait rien. Il y a une minorité qui en fait des notables, et une autre qui dit, parce que... La République, c'est moi. Il y a une minorité qui en fait des notables, parce qu'ils sont arrivés au niveau où ils en sont, et il y en a une autre partie qui dit, mais on a une crise de représentativité, tout simplement parce que donne-nous une photo du ministre, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas citer son nom. C'est-à-dire que tu vas avoir d'un côté des extrêmes qui vont dire, de toute façon, ils sont là pour le fric, et de l'autre côté, des gens qui vont dire, aussi avec une certaine logique, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc il y a bien un problème de représentativité qui est lié. C'est très bien qu'ils viennent de nulle part, mais là, on leur reproche de venir de nulle part. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Si on met des techniciens partout... Bah, les techniciens, par définition, c'est des gens qui font la technique. Ils sont pas là pour faire du public. Le relationnel, ça devient difficile. Alors, ça veut dire quoi? Les réseaux sociaux participent à ça. Alors, du coup, ça veut dire que les gens, avec, par exemple, un mouvement... Alors, pas forcément que les gilets jaunes, mais les gens espèrent quoi? Espèrent qu'on puisse gérer un pays comme un forum? Ça veut dire que c'est celui qui parlera le plus fort qui aura le dernier mot? Moi, Les réseaux sociaux, ça a permis de mettre à jour aussi toutes les malversations de la politique et tout. On a mis en plein jour aussi, ça énerve de plus en plus les gens. Qu'avant, on ne savait pas forcément, c'était pas dans les journaux, y a aussi, à part quelques journaux Mediapart. Mais sinon, je veux dire, là, on a tout. Alors moi, je vais faire autre chose. Je vais prendre l'exemple islandais. Ils sont 300 000 habitants. En 2005, ils ont dit au revoir, bye bye, on met à bas notre gouvernement qui est juste un gouvernement d'élite formé aux États-Unis et on n'a pas du tout les moyens de gérer notre pays correctement. On est 300 000, on devrait pouvoir être autonome quand même. Donc ils ont tout foutu en l'air, ils ont fait une grande agora, ils ont revu la manière de gérer le pays. Ils ont sorti une technocratie, ils ont sorti des élites. Ils se sentent plus proches de leur gouvernement, mais y a quand même encore des récriminations. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y en ait plus? Tu vois? C'est pas évident à trouver une solution. Ouais, c'est franchement... Ils ont fait ça en 2005. On est en 2018. Donc si à 300 000 habitants, ils ont déjà du mal à y accéder, je vois pas comment à 67 millions on y arrivera. Hein, mais... Oui, puis bon, le problème des politiciens, là où je rejoins Lou, ce qu'on entend par politiciens, c'est ceux qui sont là depuis des générations, j'ai envie de dire, et qui ont toujours vécu là-dedans, sortis tout droit de l'ENA, sans savoir ce que c'est que d'aller acheter une baguette de pain à la boulangerie du coin. Monsieur Valls, hein, n'est-ce pas? Peut-être prochain maire de Barcelone, mais encore, c'est pas gagné. Non, mais, c'est loin d'être gagné, évidemment. Ah non, mais on est d'accord, non, mais, avec ces voinazeries. Ce que je trouve, c'est ça, c'est ce côté déconnecté de la vie d'un concitoyen. C'est pas dramatique de ne pas connaître le prix d'un café. On n'en meurt pas de ne pas le connaître, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est le principe de pas... C'est un marqueur. Hein. Voilà, c'est un indicateur ça. Quand même social. C'est l'indicateur de ce que, va m'acheter un café. Attends, non, voilà. Et le gars connaît pas le prix d'un croissant. Alors, en fait, on est en train de parler de copé, là. Oui, justement. Non, mais aussi, c'est il a eu le cas aussi, Copé. Non, mais Valls s'était fait reprendre là-dessus. Avec le et après, Copé, lui, Copé a carrément insisté. Lui, il s'est carrément enfoncé, quoi. C'était Jean-Jacques Bourdin, le roi de cette Ce qui était très intéressant, c'est que le lendemain, tous les hommes politiques connaissaient le prix de la baguette au pied. Ils avaient révisé. Ils étaient obligés d'y aller. Mais c'est. On les prend, en fait. On les a pris la main dans le sac. Et là, tous... Ah non, mais c'est pas moi. Regardez, moi. Alors, je vous rappelle que ça manquait de transparence. C'était l'ancien monde. C'était avant l'élection de... Malheureusement, pour La République en marche. Voilà. Mais c'est malheureux à dire, mais... ils ont été élus comme ça. Mmh. Justement, en utilisant les réseaux sociaux. Et même en venant du peuple, ils l'ont vendu comme ça, cette liste. C'est vrai qu'ils l'ont vendu comme ça, la liste. Ils l'ont vendu comme ça, mais oui, mais il y en a encore beaucoup dans le lot, qui, pas ceux qui ont été élus, mais ceux qui sont dans les autres, dans les anciens partis, en train de disparaître, dont on se demande s'ils existent encore, côté rose ou côté bleu, qui se tirent dans les pattes. Voilà. Moi, ce que je trouve de très intéressant avec ce qui s'est passé, je ne sais pas si les réseaux sociaux ont participé à ça. Énormément. Et leurs réseaux sociaux à eux, dans le sens propre. C'est-à-dire que je pense que ça a été un moment où justement on a réinventé les réseaux sociaux et par contre on a loupé quelque chose parce que ça a servi juste à ce moment-là mais pas après. Ça a servi pour créer l'élection, pour créer, faire monter des gens, monter des listes, avoir des candidats, des choses comme ça. Ils avaient leur propre réseau en interne dont ils se sont très très bien servis, donc ça a permis de faire rentrer l'utilisation du réseau social dans la vie politique. Mais après, il n'y a pas eu de transformation. C'est-à-dire que ce qui manque aujourd'hui sûrement, c'est un réseau social du pays français qui permettrait aux gens de remonter de l'information de manière intelligente. Le problème aussi, c'est que l'information qui circule là, je ne sais pas si on va en venir sur l'information parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Tu ne peux pas éliminer. Alors voilà, c'est pareil, il va falloir élire des juges qui vont dire ça c'est intelligent, ça c'est pas intelligent. Ce qui m'ennuie, c'est déjà est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. On va déprimer 90% des utilisateurs de Facebook si PJ du jour au lendemain se met à juger qui est intelligent, qui ne l'est pas. Non, mais c'est vrai que le problème qu'il y a sur Facebook, combien de fois, me faites pas croire que vous n'avez pas vu, c'était même à l'époque ça passait par mail avec des PowerPoint, etc. Il vaut mieux être pauvre que d'avoir un CDI parce qu'on gagne moins bien sa vie. Parlons-en des PowerPoint. Alors non mais souvent c'est vraiment de la merde. Mais le problème c'est ça, c'est de la merde qui balance en fait l'information. C'est tel point que ça va sur le réseau social le plus basique qu'on a jamais cité. C'est les mails. Les chaînes de mails. On se rend compte souvent là, on parle des réseaux sociaux. C'est horrible. Quand tout est balancé, quand une fausse info, on a plein de fausses infos. Quand on dit que c'est mieux, quand c'est mieux d'être migrant que d'être voilà, je veux dire. Ça non plus, c'était pas dans le plan. C'était pas dans le plan. Mais je veux dire, ça l'enrichit tout ça. Quand on balance ça, les gens vérifient même pas l'info et qu'ils la repartagent derrière, ils repartagent des conneries en fait. Ils avalent ça. Ils colportent. La première fois que je suis arrivé sur un réseau social et que j'ai vu un message, attention, tel réseau social va devenir payant si vous ne partagez pas nanani. Ouais. Je fais non mais arrêtez là, je viens juste d'arriver, je sens, ça sent la fake news à plein pied. Le Gorafi, ils ont bien trouvé le filon en fait. Gorafi, je veux dire, c'est ça marche après, bien quoi. À troisième degré à comprendre. Ouais. J'avoue que j'ai une certaine tendresse pour les espèces de chaînes là avec la pâte à tarte ou la pâte à gâteau. J'ai entendu ça. C'est tellement énorme. C'est-à-dire de quoi rien. Ça te dit rien. Non, il faut une espèce de speech par mail. Dès qu'il y a de la bouffe, il est au courant. Fais un gâteau et divise la pâte en 10 morceaux et donne un morceau à chacun qui va l'utiliser en base pour le prochain gâteau, machin. Tu en es à 1 million de chaînes. Enfin, t'as jamais entendu parler de ça? C'est une chaîne. Non, mais très franchement, ça, à la rigueur, moi, j'ai envie de dire, ça me pose pas de problème tant que c'est partage humain. Oui. Mais quand c'est je choisis 10 contacts, je fais envoyer, il n'y a rien. Il n'y a pas de réflexion. Mais c'est à nous-mêmes de faire la vérification. Mais le problème qu'on a, c'est que quand on est devant la télé, quand on est avec des amis, on réagit à l'émotionnel. Et la réflexion, le temps de réflexion vient après la réaction émotionnelle, épidermique. Mais c'est pourquoi sur les réseaux sociaux, je veux dire, il y a un truc, moi, qui me choque, c'est qu'on est plus choqué. J'adore les animaux, mais on est plus choqué par un chat qui meurt de faim qu'un migrant avec son gamin tout petit qui est en train de mourir de faim dans la rue. Je veux dire, c'est intéressant. À un moment, je me dis, vaut mieux être un chat qui meurt de faim. Après, parce que les gens vont s'occuper de toi. J'adore les animaux. On aura peut-être plus de chances d'avoir une croquette. On laisse crever des migrants avec des enfants qui n'ont pas choisi une situation et on les laisse mourir. Oui, pour répondre à ta question, c'est très très simple. C'est ce qu'on dit depuis. Tu peux agir sur le chat alors que sur la faim dans le monde, t'as beaucoup de difficultés à agir. C'est pas seulement ça. C'est que C'est à ta portée de sauver un chat. Un mort dans ton quartier plus Chacroc. Important que 100 000 morts en Chine. Ça dépend. Ils écoutent plus ce que je dis. En fait, des choses qui se passent près de chez toi ou qui ont un trait à ton quotidien vont te toucher davantage que la situation sociale d'un individu qui ne fait pas partie de ta classe sociale. C'est moche à dire, mais surtout si la classe sociale t'es entre guillemets inférieure, tu te dis au moins moi je suis au-dessus, je suis à l'abri de ça. Donc c'est du rejet moral naturel. Non mais tu te rends compte, comprends ce que je veux dire. Ah, bah, totalement. Mais indirectement, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, inconsciemment. Ah oui. Dès que c'est différent, on coupe, c'est ça ? Lou ? On va peut-être marquer une petite pause. Une petite pause avec un nouveau morceau de Talking Fish, donc le poisson. Les poissons parlants. Voilà, on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Tête FM, toujours dans l'émission Le Débat des Hauts, et si vous voulez réagir comme d'habitude, on est toujours au 8 place de l'hôtel de Villa Saint-Etienne, les Remiremont, je ne l'ai pas encore dit, et oui, je vais donner le numéro qui est le 0329 62 40 40. Tudum. Autour de la table, PJ, Maylee, Julien, Gaël, Cédric et Lou. Oui. Seems you make a small mistake. Maylee. What? Melia. Ok, sorry, I'm so sorry. En fait, c'est comme Emilia sans le E. Non, Milia. C'est Melia. Melia. Melia. Melia. Like a cow. Aucun rapport. Ok. Bon, merci. Bon, on a parlé de vaches, mais retournons à nos moutons. On va continuer à parler de réseaux sociaux. Je persiste à dire que je cherche toujours à devenir journaliste. Donc, si quelqu'un a quelque chose à proposer, je suis partante. Mais dans tous les cas, on est toujours à parler réseaux sociaux. D'ailleurs, notre émission sera disponible après sur notre page Facebook pour ceux qui auront envie de l'écouter, la réécouter. Et sur le site de la radio aussi. Oui, bien entendu, c'est vrai. Pour ceux qui sont anti-Facebook. Parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps et il y a encore des points qu'on n'a pas abordés. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on parle, comme on a parlé des dangers pour les enfants. Est-ce que vous voulez que je vous parle rapidement de Techbiz Lollipop ou pas ? Allons-y. Tu peux, mais après on retourne sur les... On disait avec Gaël qu'on allait retourner un petit coup sur les... Complotistes. Complotistes, voilà, ouais, exactement. Ouais, ouais. Oui, on en perd nos mots. On va peut-être faire un passe après sur le numéro 4. Mais bon, en tout cas, Techbiz Lollipop, je vous explique rapidement le pitch. C'est dommage, ça n'existe plus parce que je voulais vous le montrer. Mais en fait, à la base, c'est un site internet qu'on couple à notre compte Facebook. Et une fois qu'on l'a couplé, en fait, il y a une vidéo qui apparaît. Et sur cette vidéo, on voit dans un lieu un peu délabré, un homme qui n'a pas l'air très très clair sur son ordinateur, qui tape et il fait des recherches sur vous. Et il fait des recherches sur les photos qu'il peut voir de vous, les lieux où vous indiquez où vous vous trouvez et d'autres choses comme ça. Et après, au fur et à mesure de la vidéo, on voit qu'il est vraiment pas net. Il prend quelque chose, on sait pas quoi, il prend sa voiture et on le voit débouler avec une arme, je crois une arme blanche, devant, entre guillemets, votre maison, c'est une maison. Et voilà, c'est quelque chose juste pour montrer les dangers de ce qu'on peut... comment dire, de ce qu'on laisse transparaître sur Facebook, surtout quand on est jeune, quand on est mineur, quand on n'est pas préparé à ce genre de choses. Si on dit « Oui, bonjour, j'ai 8 ans, j'ai un compte Facebook, je vis au 8 place de l'hôtel de ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont », eh bien, on ne sait pas qui peut débouler pour nous faire tout et n'importe quoi. Autant dire attention aux informations qui transparaissent. Les Jack l'éventreur moderne. Justement. Ça fait flipper, ça. Je connaissais pas l'histoire du lollipop là. Bah, ouais, en fait, c'est très bien parce que c'est pour faire de la c'est un truc pour dénoncer. C'est pour dénoncer. Le mec, il vient pas avec un couteau. Ok. Alors, ça marche. Ça marche. J'ai flippé là. Je me suis tendu à mes lèvres là. Ah ouais, je me dis pourquoi. T'as verrouillé. La prévention fonctionne. La prévention fonctionne très bien. Et à partir de là, on sait quelles informations on laisse ou pas transparaître. En ce qui me concerne, alors on avait accès à mes photos, mais j'ai très longtemps mis le lieu où je me trouve en privé. Après, j'ai mis n'importe quoi, j'ai mis Honolulu. Comme beaucoup de monde. Ouais. Voilà, et à cause de ce travail, j'étais obligée de mettre que j'habite à Épinal, parce que sinon, il était en anglais, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Mais moi, je suis adulte, mais il y a encore beaucoup de jeunes qui sont sur Facebook, sur Snapchat aussi. Qui sont des proies. Et où c'est on ça. Peut mettre, il y a des endroits des où on peut mettre sa localisation. Par exemple, sur Snapchat, j'ai engueulé ma petite sœur qui avait laissé sa localisation. Il parlait d'un... Oui, mais il y a aussi des parents qui veulent savoir où sont leurs gamins et se servent de ça pour savoir où ils sont. Non, la localisation ouais, du profil, pas en temps réel. Il parlait d'un... Si, ça peut être en temps réel. Oui, tu peux mettre en temps réel si tu veux. Mais... Ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Il y a un jeune qui s'est suicidé. C'était... comment il s'appelait ? Momo, quelque chose, en fait... Ça a envoyé une photo, il fallait l'appeler sur Snapchat, je crois. C'est comment ça s'appelait ? Non, ça va, c'est une creepypasta, ça. C'est une légende. C'est vraiment une légende. Il y a quand même un jeune qui... Non. En fait, il y avait des jeux, il savait en fait, où la personne était. Le Momo Challenge, c'est un fake. Mais par contre, c'est un fake. Mais le challenge du Blue Whale, par contre, ça c'est vrai. Alors c'est encore une espèce de Momo challenge type. Voilà la baleine bleue. Je connaissais l'éléphant bleu, mais. Ah, mais c'est terrible. Mais c'est comme. C'est something to say about the Blue Whale. Elle connaît. Elle réagit. Oui, je connais. Elle réagit silencieusement pour le moment. Tu le fais pas venir ici. Non. Don't you want to speak about it? No. Elle a pas envie d'en parler, mais bon, je peux vous en parler parce que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas été confrontée. Mais je sais plus si c'est un réseau social, mais en fait, c'est une espèce d'engrenage de manipulation avec un dominant, un dominé, où d'abord une relation de confiance s'installe et où le dominant donne des directives à faire pour le dominé. Et plus le temps passe et plus la confiance est installée, plus il lui lance des défis de manipulation, de mutilation, pardon, pas de manipulation, d'auto-torture, et ça peut aller très loin jusqu'au suicide. Et voilà, ça a déjà fait quelques victimes, je crois, c'est russe d'origine, le Blue Whale, si je ne me trompe pas. Encore que toutes mes informations ne sont peut-être pas forcément toutes exactes, mais voilà ce que j'en avais entendu parler. En fait, j'en ai entendu parler quand j'ai entendu parler du Momo Challenge, mais le Momo, par contre, je t'assure, c'est faux, ça n'existe pas. Je peux l'appeler ce soir, je risque rien. En fait. Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est une légende urbaine. Oui, d'accord, légende urbaine. Bah, moralité, c'est voilà, un autre regard sur les réseaux sociaux, c'est un terrain de chasse. Ah, c'est ça. Oui. Eh bien, oui. Donc, c'est un aspect qu'on n'avait pas encore évoqué. Non. Parce que c'est vrai qu'on interconnecte tout le monde, mais tout le monde n'est pas aussi fort. Non. Il y a des gens faibles. Alors faibles pourquoi ? Parce qu'ils sont jeunes, il y a 50 raisons qui feraient qu'ils seraient faibles, en difficulté ou autre. Et c'est vrai que ça peut vite dériver sur des choses un peu glauques. Hein. Et bien, malheureusement, oui. Je te laisse parler, Cédric. Oui, moi je travaille dans le social, donc je suis face à des personnes vulnérables, en fait, qu'on protège nous quelque part, voilà, pour pas qu'ils dépensent. Mais je veux dire, ils ont accès libre à Internet, ils se font manipuler complètement, il y a un danger, parce qu'il y a des problèmes si derrière, et on peut leur raconter n'importe quoi, et puis après ils peuvent... À force d'entendre les choses, c'est des éponges. Et en fait, après, on en vient à des situations où il peut y avoir du terrorisme. On voit le cas, en fait. On voit des personnes qui sont tellement manipulables. C'est tellement facile. Mais on parle de ça, on parle des complots, comme on peut parler de l'arnaque à la rencontre. La personne qui est toute seule et tout, qui est toute seule chez elle. Ça reste des gens faibles et qui vont... Combien on en voit ? Et en déficit d'interconnexion aussi. Les gens qui sont en déficit de relations. Oui, ils ont besoin de ça et puis on leur offre ça comme ça, comme un rêve. Donc, moi, je m'inquiète quand même parce que les complots, c'est l'exemple type aujourd'hui où tu te dis qu'il y a quand même... Avant, c'était peut-être une frange de population, après, c'est devenu une partie de population. Maintenant, on parle quand même d'une population parce que tu as quand même, dernier stade, 20% des gens qui croient que la Terre est plate, il faut se calmer. Oui. On ne parle plus de marginalité. Oui, de, là, c'est carrément des fake news qui se répandent comme ça. Fait peur, hein. C'est le danger qu'on pointe du doigt. C'est le fait que l'interconnexion crée des espèces d'ensemble de personnes qui se satisfont de faire partie d'un tout, alors qu'ils étaient sans doute isolés au départ. Bah, un peu ce qu'on peut reprocher parfois hein, dans les médias aux Gilets jaunes, c'est que certains se sont créés un cadre, enfin un cercle. Dans les Gilets jaunes, c'est-à-dire ils se retrouvent, c'est un entre-soi. Un entre-soi, ils se connaissaient pas, ils étaient seuls et ils ont recréé une espèce de famille, etc. On a le même effet dans les réseaux sociaux. Cet effet de groupe, cet effet de t'es connecté, tu fais partie du truc. Et c'est un point commun avec tout ce qu'on a évoqué ce soir, que ce soit les Instagram pour les collégiens comme Maily. Oui, c'est vrai, mais pas, ça marche encore. Si je peux me permettre, on se plaint des Gilets jaunes, mais ils ont quitté leur Facebook pour aller faire un réseau social autour des ronds-points. Donc, oui, dire, ils ont coupé les écrans, donc finalement, c'est... Ils ont créé corps aux réseaux sociaux. Ouais, je pense que c'est ça, moi, de définir les Gilets jaunes. Oui, mais ils ont créé qu'un entre-soi. Oui. Ils sont entre eux, entre gens dans la même situation, entre gens dans la même galère. C'est peut-être ce qui leur a plu, parce que c'était déjà le cas en ligne. Ouais, c'est vrai. Ils ont fait cet esprit qu'on avait avant de se rencontrer ailleurs que sur un écran, en fait. Et je trouve que rien que pour ça... Bravo aux Gilets jaunes, quoi. Je veux dire. Que, c'est vrai, parce que dans certains sens, c'est peut-être ça l'innovation. Avant, alors là, je te rejoins totalement. C'est qu'ils ont essayé de donner corps à quelque chose de virtuel. Voilà. Parce qu'ils. Oui, je suis d'accord. Ils se rendent compte maintenant. Mais on moi, avait je trouve qu'ils ont recréé un lien qui s'est perdu. Un lien social. Moi, ça, par contre, très honnêtement. Il n'y a plus de lieu de rencontre. Ce serait bien si on sortait un peu dans la rue, pas pour. Mais pour se rencontrer un peu. Et ça, les réseaux sociaux. Le français est particulier pour ça, c'est pas l'espagnol. Hein. L'espagnol est dehors, mais le français est à l'intérieur. Mais le français est dehors pour râler. Il y a une certaine lecture de ce truc-là, de cet effet-là, qu'on peut. Que moi, j'ai vu dans la dernière série que je suis en train de suivre à la télé, là. Sense8, je ne sais pas si certains ont vu ça. Sense8, très bonne série. Sur Netflix, non, pour pas. Très barré. Sur Netflix, très barré, mais très intéressante. Le message... Très émoustillant, je pense, pour toi. Pourquoi? Non, ça ne m'a pas trop gêné. J'ai été plus gêné. J'ai réagi aussi. Non, mais je ne l'ai pas vu. Ah, bah, si quelqu'un veut bien me les frères Wachowski, enfin, qui sont devenus les sœurs. Hein, c'est les frères Wachowski, les réalisateurs de Matrix. Alors, ce sont deux grands auteurs complètement barrés. Les réalisateurs de Matrix. Vous prenez deux hommes polonais qui ressemblent vraiment à des hommes qui. Des Polonais en plus. Imaginez, 10 ans après, ce sont deux femmes. Ils ont changé mentalement, de sexe. Ils ont changé chacun de sexe. Mais c'est assez particulier. Et leur esprit est totalement. Ce sont des gens qui sont barrés. Moi, mes grands respects. Mais parce que... voilà, c'est ça où le jeu en vient. Quand tu regardes la série, tu comprends un peu ce qui se passe dans leur tête et ils ont un message du. Je vais vous placer. Enfin, les frères Wachowski ont créé Matrix. Les mêmes ont créé Sense8. C'est vraiment super. Il y a des liens entre les deux, comme il n'y en a pas. Mais c'est juste qu'ils ont réussi à mettre en image leur image mentale, leur monde mental. Ouais, voilà. Et c'est vraiment bien et fait. Et c'est, je crois, qu'un des. Ils sont aussi révolutionnaires qu'a pu être Tarantino génial. Quand il a fait Pulp Fiction, quoi. Ah c'est, oui, c'est du lourd. Il y a simplement, en rapport avec notre thème, il y a une petite idée, parce que toute la série est insufflée de grandes idées, je trouve. Ouais. Et il y a une grande idée qui est que dans notre histoire d'être humain, c'est depuis l'arrivée des médias visuels, on n'a jamais, en tant qu'être humain, été confronté à autant d'expressions humaines différentes de différentes personnes. C'est-à-dire que notre cerveau a passé des milliers d'années sans être confronté à tout ce flux d'images d'êtres humains, de semblables qui sourient, des émotions, etc., au fur et à mesure des journées. Regarde la télé le soir comme ça, il y a 200 ans, une personne normale n'était pas confrontée à un tel flot de visages, d'émotions, de personnalités, de tonnes de différences Et alors, ça crée malheureusement peut-être, à mon avis, une accoutumance aux relations, et c'est pour ça qu'on est peut-être surdemandeur de relations humaines et de contacts. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec les réseaux sociaux, c'est que c'est pour assouvir ce flot de besoins d'interconnexion, quoi. Mais historiquement, en une journée, tu croisais deux mecs, c'était le bout du bout. Bah, surtout quand tu travailles dans un champ, forcément. La société a évolué avec les technologies qu'elle a développées et certaines de ces technologies ont été des favoriseurs de la découpe, finalement, de la société déjà en classe, mais aussi dans le fait qu'on ne se croise plus. Et moins on se croise, moins on débat. Moins on débat, moins on a la possibilité, justement, de défendre des idées, éventuellement de les faire grandir. Donc, il y a aussi ça. Et pour moi, le réseau social aurait dû être un outil qui permette, justement, de faire émerger des idées, des projets. C'est l'utopie. Jésus, premier réseau social. Bien avant. Bien avant. Là, c'est voilà. Le troll farceur. Ouais, ouais. Mais non, c'est si on. Il y a une analogie, moi, je trouve. C'est pas si déconnant que ça. Des premiers réseaux sociaux ont été pensés par les religions. Ça porte bien son nom, un réseau social. Non, un réseau social. Ouais, ouais, les religions. Tout simplement, non, mais la lecture, le livre. Le trait d'union. Bah, l'union, oui, autour d'un vécu ou d'une expérience. Bah oui. Ouais. C'était les premiers réseaux sociaux. Les religions étaient les premiers. Ouais, non, c'est pas faux, en fait, vous voyez. C'est pas si idiot que ça. Les premiers forums ou. Bah, les forums après, avec l'agora, après la politique, la vie de la cité, tu peux remonter. Non, mais Grecs, je pense. Chez les Babyloniens. Je pense. Parce que c'est là où je veux en venir. On n'a pas inventé l'eau chaude au Moyen-Âge. Hein. Faut pas... Non, on l'a eu par les termes au début. C'était voilà. Chaud, c'était toujours tout seul. Merci, mais... là. Merci, Rome. Voilà. Bien avant. Mais les Romains l'ont démocratisé. Mais ce que je veux dire, c'est que le réseau social, en fait, on est peut-être. Depuis le début, on dit, ouais, c'est une création, nanana, avec. On pense tout de suite au numérique, mais les réseaux sociaux. J'ai voulu remonter. Je sais, et c'est bien pour ça que je veux y revenir. J'ai voulu remonter jusque-là, mais je n'ai pas osé. Exactement, les francs-maçons, ouais, ouais. Exactement, c'est évident. Ben oui, c'est un réseau social. Bien sûr. Et qui ne s'engage pas. Parce que c'est son seul but. Que de faire des contacts entre les gens. Et c'est ça qui est intéressant. Les réseaux sociaux, c'est, pour moi, c'est pas tant une création de maintenant, c'est une création d'avant. C'est juste sa forme. On a fait évoluer la manière. On a changé le moyen de le faire passer. Et pour moi, surtout, on l'a enfermé dans des outils. Parce qu'avant, c'était accessible à n'importe qui, exactement. N'importe quand, n'importe comment. Maintenant, ce n'est accessible que par des outils. Bah, mais c'est plus facile à y avoir c'est accès. C'est plus facile. Maintenant. C'est quand même plus emmerdant de devoir y aller le soir, machin, à réunion, une fois par mois. Là, et c'est je vais un faire. Temps. C'est plus facile de s'intégrer dans, et dans un son groupe. Salon. Ouais. Là, on est là, bah, on va partout. Est-ce qu'on a la petite vidéo YouTube je pense que là, ça vaut la peine de la balancer avant 22h. Elle est là. Alors, c'est une vidéo qui a été choisie par Cédric pour montrer le côté pervers des réseaux sociaux. Enfin, pervers, non, pas pervers, mais le fait qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça reste du réseau social complètement éloigné, déconnecté humainement les uns des autres. Donc, si tu peux Cédric, si tu veux simplement nous dire ce que c'est comme vidéo. Ouais, donc c'est une vidéo de Groland qui a déjà quelques années, en fait, qui parle d'un jeune qui est sur Facebook, voilà, qui a 600 amis, 607 je crois exactement, et qui à un moment a besoin de déménager, donc il fait appel à tous ses copains Facebook. Stop, et faut pas en dire plus. Et puis après, je laisse la suite. Donc on s'écoute ce reportage. D'ailleurs, je me rends compte que je dis à nouveau beaucoup, donc. Alors donc, le retour des tocs de Lou langage donc. Qui nous complète. Et c'est voilà le petit reportage par Groland. La solitude, ça n'existe pas. Surtout depuis qu'il y a Facebook. Mais ça, il ne pouvait pas savoir parce qu'il est mort tout seul et avant l'invention d'Internet. Gimensi, la route, est fier. Je suis fier. Il a 657 amis sur Facebook. J'ai 657 amis sur Facebook. Mais aujourd'hui, il a un souci, il doit déménager. Aujourd'hui, j'ai une galère, je dois déménager mes meubles, mes affaires, tout ça. Givenchy n'a pas d'argent pour payer des déménageurs. Mais heureusement, pour l'aider, il a 657 amis. Hier, j'ai envoyé 657 messages. Malheureusement, aujourd'hui, il a eu zéro réponse. Merde, zéro réponse. Et oui, bizarrement, ce jour-là, Audrey était sur MSN, Castor était sur World of Warcraft, Nini sur Google Earth, Golga sur LimeWire, Hul sur Call of Duty, Koro sur Digital Effects, Miska sur Jamendo. Tous avaient une bonne raison pour ne pas répondre à Givenchy. Alors Givenchy, la route, s'est souvenu de Bruno, un vague copain de 6e, avec qui il faisait du ping-pong. Un vague copain qui n'a pas d'adresse. Hein voilà, je sais pas pourquoi ça s'arrête d'un coup au niveau, ça s'arrête d'un coup au niveau sonore, c'est assez particulier, mais bon, dans tous les cas, c'est visiblement non, on n'a pas la fin, en tout cas au niveau du son. Tu peux parler, Cédric, il y a pas de problème. Ouais, je vais regarder. Mais en fait, ce qu'il y avait d'intéressant, vas-y. Ouais, c'était la fin. En fait, c'était la fin. Oui, je sais pas pourquoi la vidéo a coupé sur la fin. Donc, on a bien compris qu'il a juste trouvé un ami de lycée qui habite dans le même immeuble, qui lui a donné un coup de main. Et puis, à la fin, voilà, ça dit en fait, vaut mieux avoir un copain, un vrai copain, que 657 copains à la con, quoi. En fait, bien en sûr, gros, ouais, sûr, c'est ça. Virtuel. C'est dommage qu'il n'y ait pas la fin, mais c'est ça en fait. On aurait eu la chute. On aurait eu la bonne chute. Et ça. pour moi, c'est une réponse. Certes, c'est une histoire qui donne envie de rigoler, etc. Mais qui est le reflet d'une certaine réalité qu'on essaye de nier. C'est que Le mot ami a quand même une importance. On le voit quand même sur Facebook quand il y en a qui racontent leur vie sentimentale. Je veux dire, ils ont subi une déception, ils vont le raconter. Ouais, tout le monde va être là à dire ouais, je suis triste pour toi. Et personne ne va prendre le temps de parler. Je veux dire, personne, elle se retrouvera seule quand même. Je t'ai entendu dire ami a une importance. Tu sais, quand ils l'ont traduit chez Facebook, je pense qu'ils ont fait exprès de mettre ce mot-là pour créer une relation entre les gens. Mais ils auraient dû faire mettre copain. Copain était plus adapté. Copain d'avant. Ouais, copain. Copain était plus adapté sur Facebook que ami. C'est pas une amitié que tu as sur le web. Mais en anglais, ça donne quoi ? Eh bien, justement, c'est là. Alors, c'est quoi la différence copain et ami ? How many words you have to say friend ? We've got about that, copain. Because in French, we have two words. No, pote, copain, ami. The level of friendship. Yes. Okay. Le niveau de l'amitié. For me. Pour moi. Pour moi. I have best friends, so the people I talk to on a daily basis and tell lots of people, like lots of things to. Then I have friends, which are just like a bigger group of people that you're close with and you hang, like you like talk with. Sometimes not as often as best friends. Then you have mutual friends, which are friends of like. So if I'm friends with PJ and now like Lou and I are mutual friends because we're friends through. C'est comment le terme mutual friends? Mutual friends pour vous, amis en commun. And then you have what did I call it? I said copain yesterday, but you have another word for that. Acquaintance. Connaissance. Oui. Which is somebody that if you walked past you would say hello to or smile to, but you don't have much of a contact with. Que tu vas saluer dans la rue et ou que tu vas à laquelle tu vas sourire, mais sans créer davantage de contact. Voilà. Nous, on va essayer de mettre des mots. On va mettre le pote, le copain, l'ami, le meilleur pote. Voilà, l'ami d'enfance, la connaissance. On va avoir ces mots-là, mais je sais qu'une personne va considérer un copain plus important qu'un ami, alors qu'une autre personne va considérer un ami plus important qu'un copain. C'est très perso, ça. C'est très personnel. Non, mais c'est pour ça, c'est très subjectif. Et comme c'est très subjectif, le terme ami sur Facebook, friend, avec toutes les déclinaisons que ça peut avoir, c'est l'avantage d'avoir beaucoup de déclinaisons. Alors que nous, c'est ami, et ami, c'est ami. Ah, et qu'est-ce qu'on Facebook, entend par ami ? Facebook, il y a just one level. Ami, c'est littéralement quelqu'un qui est égal à ta moitié, quelqu'un qui t'est indispensable. Le copain, c'est celui avec qui tu partages la subsistance. Tu vois. En français, c'est rien de là, il ne faut jamais l'oublier. Donc, Givenchy Laroute. Donc, un ami, en français, il n'a qu'un ami, en fait, finalement. Il n'a qu'un pote. C'est ça. Et en fait, ouais, c'est l'inconvénient de ceux qui invitent plein de monde et qui ne connaissent pas vraiment. Qui ne connaissent personne. Et il y avait un sketch des Bodins, si vous connaissez les Bodins, sur Facebook, qui disait voilà, c'est pas parce que tu ne vois pas des amis que c'est pas tes amis, parce que tu as des hémorroïdes, tu ne les vois pas, quoi. Ça ne t'empêche pas d'en avoir. C'était un peu ça, le sketch des Bodins, mais ouais, c'est un peu ça. Qui peuvent être tes meilleurs amis. Voilà, qui peuvent tellement être tes meilleurs. Tellement tu partages de temps avec. Ouais, mais c'est clair, moi, j'appellerais plus ça contact. Camille, j'appellerais plus ça un contact plutôt qu'un ami parce que voilà, je vais pas. Tu racontes pas ta vie quoi. Je raconte pas ma vie et puis je veux dire, les amis, y en a plein sur Facebook que j'ai jamais vu moi. Bien sûr. Je veux dire, à un moment j'ai invité tout le monde, ouais. À un moment je voulais inviter toutes les personnes un petit peu célèbres, les stars et tout, j'ai invité tout ce qui se passait. Après j'allais dans leur liste d'amis, je les invitais, je me disais peut-être qu'un jour il y en a un qui va te causer. Qui va me causer. Si, j'ai eu Arnaud Gidouin, un acteur, ouais, pas super connu, mais qui m'a parlé, avec qui on a eu une petite discussion comme ça. Je voulais taper vraiment le... Ouais, je voulais taper les stars. Je me disais, avoir ton moment de gloire, comme l'autographe. En fait, je me disais ce qui était... Au début, je me disais, dans Facebook, justement, il n'y a pas la barrière. Ça te permet de contacter n'importe qui. Donc, l'utopie, on est dedans. C'est l'utopie. Alors, après, oui, c'est sûr qu'il y en a plein qui... je sais pas, Renaud, que j'aime bien Renaud, je veux dire, c'est pas lui qui remplit son Facebook. Surtout plus maintenant, quoi. Parce que... Mais voilà, c'était le côté... J'avais accès à tout. Je pouvais parler à n'importe qui, d'un peu connu... Et c'est genre qu'à 4 grammes, Renault, oui, il vaut mieux pas qu'il en fasse tout seul. Toujours vivant, toujours debout. Quoi, mais... Il a quand même du plomb dans l'aile. Hein. Mais c'est vrai que c'était ça. Moi, mon côté Facebook, c'était ça au début. C'était le délire de... Et puis c'était la déconne, surtout. C'était de dire plein de conneries. Sur Enfin, plein de conneries. Il y avait un esprit au début de camaraderie qui existait. Voilà. Un peu de chambré. Quoi, voilà, de chambré, machin, c'était ça. Et puis ça a pris des proportions. C'est grave. Tout le monde se prend trop sérieux maintenant là-dessus. Puis c'est devenu très commercial aussi. Il y a eu les phénomènes soirée Facebook. Facebook, apéro Facebook, etc. Vous vous souvenez de ces polémiques-là? Bien sûr. Hein ouais. Ah, oui. Espèce de bouteille à la mer, un million de personnes. Ouais. Bah, le, ou 13 000 personnes dans un anniversaire. Il y a eu un film Projet X qui a été fait justement à ce sujet qui est sorti, il devait quand, 2011-2012, je crois. À ce sujet où il y a un apéro Facebook qui est parti en sucette. Ouais. Voilà, qui est complètement parti en live. Je ne l'ai toujours pas vu d'ailleurs. Deux films que je compte voir. Projet X, c'est Social Network. Ouais, c'est, ça me dit quelque chose. Social Network est très très bon. Ouais, c'est pas mal. Apparemment. Mais bon, dans tous les cas, voilà, ça peut littéralement partir en cacahuète pour emprunter des mots politiquement corrects comme on les a empruntés dans l'émission. Mais je vois qu'on s'est quand même beaucoup éloigné, oui et non, mais on a beaucoup dégraissé et le temps va nous manquer pour clore la boucle que j'avais prévue. On a encore 10 minutes. J'aimerais qu'on puisse développer aussi cet aspect. On a parlé de l'aspect créer un réseau personnel ou professionnel, mais on n'a pas parlé de ce que de tout le business qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil commercial, les réseaux sociaux. C'est devenu un outil commercial. Oui. Encore récemment, une personne qui est community manager dans les Vosges disait que, ce sont des chiffres qu'elle a tirés d'études, hein, c'est pas elle qui les dit, 42% des consommateurs déclarent que les réseaux sociaux influencent leurs décisions d'achat. On n'est plus dans la publicité qu'on reçoit dans la boîte aux lettres. On n'est plus dans encore que ça fonctionne aussi Amazon où on va regarder les commentaires des gens sur un produit, c'est carrément les réseaux sociaux sur lesquels les gens vont commenter ah j'ai acheté ça, c'est super. Mais ce chiffre fait vraiment ça, pour moi ça fait peur. Nous rappelle que le peuple est très manipulable hein. Exactement. Comme disait PJ, 20% des Français pensent que la Terre est plate quoi. C'est ça le problème. Wow. Balancer n'importe quelle info et mais avec la télé c'était déjà le cas en fait, les gens avalaient ce qu'ils voyaient et puis ils ont pas le recul. À la télé il y a quand même plusieurs filtres. Là sur Facebook les complotistes ouais, le fameux terme qu'on a du mal à trouver. J'ai réussi du premier coup là. Non mais et pourtant c'est ça le danger à la télé, les complots sauf si tu regardes JFK d'Oliver Stone quoi, mais oui, voilà. Il y a quand même un CSA, il y a quand même quelque chose derrière, il y a une instance qui est là. Alors que sur Facebook il y a un garde-fou, il y a rien du tout, il y a rien du tout. Il y a pas de garde-fou et moi je me suis un petit peu posé la question de en effet à quel point pourquoi les fake news pullulent à ce point. Alors je suis pas sûre d'avoir la réponse, mais j'ai peut-être une réponse Mon échelle, du moins selon moi. Avant, c'est vrai que les informations étaient vérifiées, que ce soit journaux, télé, radio, il y avait forcément un garde-fou pour prouver, il fallait que ce soit prouvé par A plus B que c'est vrai. Une déontologie. Voilà, et maintenant, avec Internet, forcément, ça pullule dans tous les sens et Internet est un outil pour lequel on n'a pas encore été préparé, on ne sait pas encore, je pense même aujourd'hui encore, on ne sait pas trop comment s'en servir. Je ne sais pas ce qui a été pour vous, mais moi, les premières fois que je suis allée sur Internet, je savais pas trop comment. Pour moi, Google, c'était la fête. Mais voilà, c'est un outil pour lequel on n'était pas formé et pour lequel on pouvait pas forcément savoir qu'on pouvait y trouver tout et son contraire et surtout des surtout fake news. N'importe quoi. Voilà. Oui. Après, il y a des études qui ont été menées à ce sujet. Avec, je pense que vous connaissez tous l'histoire du professeur qui a piégé ses élèves avec un faux commentaire de texte. Non. Ça me dit quelque chose. Ah, ça vous dit plus ça rien. Ça me dit rien, ça. Ouais. Dois-je vous rafraîchir la mémoire? Allez. Non plus celui-là. Ça, alors, ouais. Je sais plus de quand ça date. Vous raconte-nous l'histoire. De quelques années, un professeur voulait faire un petit peu. Alors, il voulait piéger ses élèves, mais pas un petit peu aussi en forme de d'études sociales. Et il avait prévu de leur demander un commentaire de texte sur un auteur très précis. Je saurais pas vous dire, mais si jamais Poisson Fécond a fait une très très bonne vidéo à ce sujet. Poisson fécond. Oui, merci YouTube parce que je suis très référencée sur YouTube. Poisson fécond, le roi des rats aussi pour certaines sources par rapport au danger sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas c'est à aller. Très dans l'esprit l'heure des loups quoi. Ouais, ouais. Voilà. Non mais ce sont de très très bons YouTubeurs qui font de très très grosses recherches. Là, bon, hein. Et je disais alors ce professeur, il a commencé à créer des fausses pages ou modifier même la page Wikipédia sur cet auteur là et même à faire une page sur un commentaire de texte mais complètement aberrant. rend complètement faux. Il l'a fait référencer pour que ça montre que ça ait plus de notoriété, parce que je pense que vous savez, si vous tapez voilà, sur vos moteurs de recherche, ce qui arrive en premier, c'est ce qui est le plus recherché. Et quand c'était référencé comme il voulait, que son merveilleux coup était prêt, il a donné à ses élèves le travail, et en grosse majorité, ils ont copié-collé le commentaire. Voilà, complètement aberrant sur Internet. D'ailleurs, il avait dit en gros qu'il était en couple avec une femme qui s'appelle Anne de Bonnet. J'espère que vous comprendrez le jeu de mots. Ouais. Voilà, en fait, à quel point on peut manipuler. Alors lui, il ne l'a pas fait à mauvais escient, mais à quel point on peut manipuler et à quel point bah, on a encore tendance à être très naïf. Et même moi, aujourd'hui encore, c'est il faut toujours aller chercher plus loin. La source. La source, en effet, parce que c'est et pas croiser les sources. Et c'est un, comment dire, c'est un gros travail, parce que Internet, c'est un gros outil qui peut apporter beaucoup de choses. Mais effectivement, attention au côté du miroir. Mais on en parlera dans la conclusion dans quelques instants, parce que malheureusement, le temps va manquer. Moi, ça me fait penser au débat qui est actuellement contre les journalistes. Oui, parce que là, ce que tu es en train de dire, hein, ce que tu es en train de dire, c'est le travail des journalistes. Il sert à ça, le journaliste. Oui. Mais aujourd'hui, tout le monde est journaliste. Étayer des faits, recouper des infos. Non, et puis c'est pas seulement ça, c'est qu'aujourd'hui, on reproche aux journalistes de partager des informations qui sont tronquées, etc. Donc ça va super loin. Travaillant dans un média également, je pars pour principe que quelqu'un me donne une information, d'accord, c'est gentil. Maintenant, c'est tu en as été témoin ou quelqu'un te l'a dit? C'est quelqu'un qui me l'a dit. Donc ce que tu dis n'a pas de valeur, c'est à écarter tout de suite. Non pas que je ne crois pas à ce que tu me dis, mais parce que tu n'es pas témoin. Tu n'es pas la source. Alors je suis désolé, je vais encore ramener ma culture chrétienne, mais dans la Bible, il y a un texte qui dit c'est sur la parole de deux ou trois témoins que l'affaire sera jugée. Tout à fait. Et pour moi, c'est une question de bon sens. On nous dit, quand on est en école de journalisme, croisez vos informations, allez à la source. Si vous n'avez qu'une seule source d'information, l'information n'est pas fiable. Il faut que vous ayez plusieurs témoignages. C'est trop facile sur la base d'un seul témoignage de dire il s'est passé ça. Non, c'est un regard, c'est un témoignage. Et s'il y a un autre témoignage sous un c'est autre angle, c'est une vue. C'est une vue, voilà. Et c'est un angle de vue. Donc ça veut dire que si on n'a pas au moins deux angles de vue, on n'a pas les trois dimensions, c'est on ne peut pas ça savoir ce qui s'est passé. Les réseaux sociaux ont un peu quelque part tué le mouvement des gilets jaunes, je veux dire, parce que c'est parti dans tous les sens. Il y a eu des fausses informations, des fausses rumeurs, et c'est parti en live. Ça a décrédibilisé tout ça. Ce qui est marrant, c'est que ça l'a créé et ça l'a tué aussi. Ça tuera toute manifestation, même si à la après, base... Après, de là à savoir si c'est eux qui ont initié la chose ou... Complot. Non, mais on est dans un monde où il y a tellement maintenant d'accès facile à l'info. Et à n'importe quoi. C'est de plus en plus... Non, mais alors moi je pense l'inverse. Là. J'essaie de défendre l'opposé. Je pense qu'il y a tellement de sources d'infos, il y a tellement d'ouvertures, etc., qu'il est de plus en plus difficile de cacher réellement mais quelque chose. Mais on est fainéant, on prend l'info comme un McDo, en fait. On ne va pas chercher plus. Et on pense que c'est la vérité. Notre vérité devient la vérité. Oui, voilà. Là, souvent, les complotistes, ils nous disent « Oui, vous nous cachez des choses. » Je suis désolé, on n'a jamais été dans un monde où il est aussi difficile de cacher quelque chose. Clair. Ah ouais. Ah oui, c'est clair. Donc c'est paradoxal. Mmh. D'un côté, il y a de la fake news, mais de l'autre, les secrets... Quel est le meilleur moyen de cacher quelque chose? De ne pas le mettre sur Internet. Non. De le mettre aux yeux de tout le monde. De le mettre aux yeux de tout le monde. Ils sont parmi nous. Mais c'est pas compliqué. Quoi, tu as quelque chose que tu ne veux pas que les gens voient, tu le poses au milieu de tout le monde et tu attires l'attention sur autre chose. Ouais. Et ça c'est là et les gens n'y prêteront plus attention. Ça bouge pas, ça reste dans un coin, ça fait rien et pendant ce temps-là, de l'autre côté, on attire l'attention sur autre chose. Et puis ça va grandir tout doucement, ça va faire son nid et on va l'oublier. Ouais. Le sujet numéro 1 qu'on veut cacher, on le laisse accessible. Mais comme personne n'en parle... C'est que doit y avoir Guy Souroche. Oui. Voilà. Oh. Et en attendant, on c'est le laisse grossir. Ça, je trouve que c'est déjà complotiste pour moi. Ah non, mais c'est très clairement complotiste. Et c'est la manière la plus en vogue en ce moment, justement. On dissimule. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas on dissimule, si, puisque c'est accessible. Les gars, c'est prémédité de le mettre au jour pour que, et justement éviter que les gens en parlent. Non, mais on parle de gens qui font pas de différence entre manipuler, cacher... c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le niveau intellectuel pour le comprendre. Donc du coup, pour eux, le simple fait qu'on n'en ait pas parlé, c'est qu'on l'a dissimulé. Voilà. Ils font tout de suite un lien qui n'a rien à voir. Ouais, on a vu ça il n'y a pas longtemps avec l'acte de terrorisme à Strasbourg. Voilà. Puis non. Les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on a entendu comme conneries? C'est un plan du gouvernement pour casser le mouvement. Pour casser le mouvement, ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Où va la connerie? Ça monte, ça enchérit dans la connerie. Faut dire ce qui est, franchement, après. Donc là, c'est le côté très négatif des réseaux sociaux. C'est le côté négatif. Super négatif. Il y a des côtés super bons, ça c'est clair, ça permet de relier les personnes. Ça et voilà, et tout ça parce qu'il y a une personne qui a lâché à un moment donné une information en se questionnant si c'était pas ça, et boum, tout de suite c'est parti en escalade. Quoi. C'est ça. Il n'y a pas de réflexion, une question devient une affirmation, une affirmation devient une exclamation devient un décret. Ouais, c'est ça. Et donc on se prend pour un ministre. Voilà. Et on arrive là. Ouais. Non mais la boucle est bouclée, ouais, on arrive là. Et tout le monde devient ministre après. C'est ça. On est juge et c'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun voit midi à sa porte. La vérité que j'ai moi devient la vérité que tout le monde doit avoir. Et c'est pas ça. Il faut apprendre à se remettre en question soi-même et surtout à vérifier. À vérifier les sources. Vous avez tous vu cette vidéo de la femme pendant les Gilets jaunes qui est en train de filmer. Elle dit regardez, les bombes lacrymogènes, elles viennent de là-haut. C'est l'hélicoptère là, de la gendarmerie qui lance les bombes lacrymogènes. Tant qu'on n'a pas le regard sous l'autre angle du journaliste qui va montrer sont les gendarmes qui sont à 150 mètres de là, qui visent bien haut parce que c'est un effet de cloche, on les tire très haute pour qu'elles aillent plus loin. Un effet de mortier. Un effet de mortier, tout à fait. Et ben, tant qu'on n'a pas eu cette image-là, on était persuadé qu'il y a un hélicoptère de la gendarmerie qui lâchait des bombes lacrymogènes sur la Grave, c'est non mais c'est vous dire c'est alors et je dis pas que la bonne femme se trompe, je dis pas que qu'elle est stupide, je dirais que c'est l'impression qu'elle avait de là où elle était, et quand on prend un autre angle on voit des choses différentes. Alors, le problème c'est qu'on a quand même l'impression que dans tout ça, dans ces gens qui distillent ces infos, il y a des gens qui le font par calcul. Bien sûr. Mais bien sûr. Oui, il y a des gens qui le font par calcul. Il y a même ce que j'ai dit aussi. Il y a bien nos hitters de tout à l'heure. Il y a des gens derrière qui. Et puis les insoumis. les politiques, les extrêmes, tels qu'ils soient, je veux dire que, ouais, les extrêmes, c'est la. Ouais, c'est. Ah oui, il y a la politique derrière qui manipule tout ça. D'où le manque de filtre. Voilà. Puisque en démocratie, je suis désolé, mais il y a toujours un filtre. Le filtre, ça doit être normalement le conducteur commun d'intelligence qui fait qu'on est tous au même niveau. Et sur les réseaux sociaux, il n'y a pas ce connecteur commun. Tout le monde peut dire ce qu'il veut quand il veut. Il faut que. Ah ouais, c'est dingue. Les gens ont besoin de retrouver le respect, comme tu disais, du professeur, quoi, de celui qui sait. Quoi. Il y en a qui savent rien et ils la ramènent comme s'ils savaient tout. Le dernier exemple en date, puisque tu parles de respecter le poste, c'est ni plus ni moins que notre président. Quand bien même il se tromperait, ça n'empêche pas que c'est un président élu démocratiquement. Et donc, on doit respecter le poste. Si l'individu se trompe, ça vous est jamais arrivé de vous tromper ? C'est clair. Bon. Je dis pas qu'il faut tout effacer, mais il y a le respect du poste. On va pas l'appeler Manu, on va l'appeler Monsieur le Président. Pas parce que Monsieur se la pète. On a le droit, mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pareil, même dans une entreprise, on va pas appeler son patron qu'on connaît à peine. On va pas se mettre à le tutoyer et l'appeler Michel ou je sais pas quoi ou Michou, lui donner un petit nom. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a déjà eu l'affaire celle-là. Il y a un respect à avoir vis-à-vis du poste, mais vis-à-vis du rôle. Mais est-ce qu'il a ce respect finalement vis-à-vis du peuple, en fait, c'est ça. Il l'a peut-être un peu plus que certains autres, certains de ses prédécesseurs en particulier. Avec Benalla, je veux dire, il y a une sorte de violence quand même vis-à-vis du peuple. Oui, mais si c'est pas lui qui allait tabasser les gars. Hein. Honnêtement, c'est pas lui qui allait. À chaque président, on a eu des histoires. Tu peux la sortir. Mitterrand a eu beaucoup de casseroles. Ouais, Chirac en a eu un paquet aussi. Et le casse-toi, Sarkozy, l'histoire du Karcher. Casse-toi, pauvre con. Ouais, c'est tracaille. La bouche d'un président. Hollande, l'ascendant. Ah, ouais. L'ascendant, c'était quand même son ex qui voulait le faire chier quand même. Il l'a rendu public. Et paradoxalement, ça ne lui a pas collé tant que ça au bas. Regarde, Macron se fait clouer au pilori pour moins que ça. C'est vrai. Ouais. C'est normal, il y a de plus en plus de haine vis-à-vis de la personne qui est à la tête. Mais ça va être, moralité, ça va être de pire en pire. Ah bah oui, ça va être parti comme ça, ça va être de pire en pire. Alors, ce sera les bien pensants qui a vécu pareil. Hein. Non, mais les bien pensants, là c'est la bien pensance. Au fur et à mesure qu'il usait les gens dans leur règne et dans la construction de la 5ème République, des gens qui étaient à fond pour lui, à la fin étaient à fond contre lui, jusqu'à des attentats. Ouais. On s'en souvient plus, parce que c'était avant nous, mais il y a eu des attentats contre un président de la République en France. Ouais, c'est clair, ouais, ouais. Donc, des menaces de mort et compagnie. Ah, puis des attentats, le petit Clamart. Est-ce que c'est une conséquence naturelle, enfin inhérente à la 5ème République? Le roi monarque. Donc c'est aussi institutionnel. Le président monarque. C'est parce que le système est ainsi fait que de toute façon c'est mathématique, il va forcément se faire jeter à grands coups de sabot. Encore, son mandat a été raccourci. Hein. Ouais. C'est même pas une question de se faire jeter. Ça aggrave la situation, ça. Non, ça s'appelle un catalyseur. C'est-à-dire que le président en France a un rôle de catalyseur. C'est-à-dire un catalyseur qui est là pour représenter, parce qu'il est, en fait, volontaire qui veut s'en prendre une, bah voilà, il est élu. Ah ouais. Terminé. Oui, c'est ça, en fait, de toute façon. Oui. Quel que soit le bord. quel que soit le bord. Je crois qu'on est en train de dépasser la durée maximale du MP3. On est déjà en train de dépasser, donc on va se faire malheureusement taper sur les doigts. Mais surtout pour ceux qui voudraient écouter le podcast. Et oui, on n'a pas fait le tour de la question que j'avais traitée d'une certaine manière. Après, on pourra toujours en reparler une prochaine fois, peut-être faire un round 2. Il y a du contenu, mine de rien. Il y a du contenu. Il y a beaucoup. Et peut-être en sortant des réseaux sociaux, justement, on peut encore ouvrir le débat sur d'autres thématiques. D'où la notion au départ d'utopie. Ouais. Ah, pourquoi pas, oui, finir l'émission sur les réseaux sociaux et ouvrir sur l'utopie. Sur l'utopie, ça peut être sympa. Alors, ça sera pas la prochaine. La prochaine, on a déjà un sujet qui a déjà été établi. Ah, j'en connais. Qui est réclamé. J'en vois un qui est contre. Réclamé. Si vous aviez la caméra. Si vous aviez la caméra, voir sa tête. Non, les mains et la gestuelle. Ça, c'est du niveau du trou noir. Alors, vas-y, tu nous annonces le thème. Alors, le thème V2, hein, le thème qui a été retravaillé en équipe, pas le V1. Le thème, alors, je vais plutôt laisser quelqu'un qui l'a bien reformulé, le redonner, le thème que nous avons choisi pour l'émission du mois prochain, donc le 7 mars. T'as encore refilé la patate. Ah non, c'est moi qui l'ai reformulé tout à l'heure. Donc, c'était... Mais oui, c'était toi. Où en est-on de la sexualité en 2019? Ouais. Quelque chose des questions autour de la sexualité en 2019. Voilà. Les relations hommes, femmes, les âges, en fonction des tranches d'âge aussi. Oh, plein de sujets connexes. Le genre, la sexualité. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à nous adresser à ce sujet, l'adresse mail de Radio Guémozo, c'est contact@radioguemozo.eu ou sinon la page Facebook Radio Guémozo. Adressé à Dr Gaël, qui se fera un grand plaisir de vous répondre. Et pour cela, nous aurons une invitée toute particulière, de compétence surtout, qui pourra répondre à pas mal de nos questions. Elle ne sera pas forcément là pour animer le débat, mais plutôt pour nourrir, alimenter. Une consultante. Alors, c'est qui cette personne? Nous avons choisi d'inviter Joëlle Gourrier, sexologue sur Épinal, psychologue et thérapeute de couple. Elle a la triple casquette avec une grande expérience puisqu'elle est sortie de sa retraite pour continuer à exercer à Épinal. Donc, vraiment une personne très très intéressante. D'accord. Donc, on vous espère nombreux le mois prochain pour cette super émission. Oui, dans tous les cas. Et pour ceux qui veulent écouter l'émission et même peut-être en savoir plus sur notre ouverture, eh bien, on en parlera plus tard. Dans tous les cas, elle sera disponible sur notre site internet radioguemozo.eu ou sur notre page Facebook Radio Guemozo. J'essaie de faire monter le générique. Oui, ça y est, je l'entends un petit peu. J'essaie de faire les choses en douceur. Là, cette fois, j'ai non pas deux, mais trois écrans. C'est pas forcément facile à gérer. Mais bon, c'était l'émission assez houleuse sur les réseaux sociaux pour laquelle on n'a pas fait le tour. Mais bon, on va faire avec. Dans ce cas, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Bye bye. Ciao. Ah bon, on n'a plus dit. On n'a plus de générique, ça y est, j'ai encore fait une bêtise pour changer. Et on est encore en direct. On est encore en direct, oui. Bon, on va vraiment se faire taper sur les doigts. Bonne soirée. Voilà, cette fois je passe un peu le générique et je mets la musique. Au revoir. Et voilà, au revoir tout le monde.